Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. Merci, merci. L'aliment de départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, Jean-François Comte. Le numéro 21, David Thibodeau. Le numéro 98, Alex Galipo. Et le numéro 88, Alex Cron. Hey! Hello! Hey, bonsoir les gars et bienvenue à l'épisode 10 déjà 10 de la soirée du podcast. Hey, petit applaudissement de golf pour mon frère Alex Combe qui se joint à nous pour la première fois cette saison. Bienvenue Alex, viens dire de la merde avec nous. Ben oui. Avant de commencer le show, revenons sur ce qu'on a terminé dans l'épisode 9. Dans le fond, on parlait des Olympiques, on était avant la finale Canada. On l'a gagné! On l'a gagné! Yeah! Est-ce que tout le monde s'est levé à 7h le matin pour écouter oui, la game? Ouais. Eh oui. Avez-vous tous somnolé sur le divan en écoutant ça? Je suis endormi après la game, moi. Non, mais je m'étais couché très tard. À 9h30, j'ai sorti le mousseux, moi. Quand même. On parle ici d'un vrai de vrai. Ben oui. Non, c'est quelque chose à dire sur la belle finale? Comme qu'on pensait, on s'est tous trompés sur le score. Ouais. Finalement, ouais. Ça n'a pas été si tight que ça. Non, c'était le son de hockey. Le son de hockey. Clinique, est-ce une vraie de vraie clinique. C'était beau de voir jouer cette équipe. Mais ouais, mais c'était pour vrai, on a vu l'équipe du Canada progresser de match en match. Ouais. On a vu la finale qui était tout en beauté. En fait, je pense qu'ils ont été solides pas mal tout le long du tournoi. Ouais, mais quand tu dis, ils ont progressé. Un peu de cohésion, puis à la fin, les passes sont solides. Tu vois qu'on avait probablement un des teams les plus solides, là, généralement parlant. Et le meilleur goaler. Ben ouais. Ouais, qui a été élu d'ailleurs meilleur gardien du tournoi. Qui a été élu meilleur gardien du tournoi, c'est ça, ouais. C'est notre goaler. Concernant la diffusion, pas de félicitations à faire à Radio-Canada par exemple, qui nous coupe les dernières secondes de la game pour nous montrer du monde dans un resto. Tabarnak là, tournoi final olympique, on peut-tu juste voir la game s'il vous plaît? Ouais, qu'est-ce que ça me donne de voir le monde à la cage, arrêter de manger des ailes à 7h le matin là? Moi je pense que j'ai écouté, c'était sur RDS, ben pour de vrai c'était tout le même feed. Probablement. Je m'en rappelle pas du tout. En tout cas. Ben là, je m'en rappelais pas, mais maintenant que t'en parles. Quand même, du gros ça hockey. Ça me dit quelque chose avec moi. Je devais somnoler sur mon divan. Ouais. Yes, bonheur. En parlant du hockey des Olympiques, mais en parlant pas de la game en tant que telle, mais on a-tu vu que Martin McGuire est une coche au-dessus de Pierre? Ouais. Parce que Martin, Chris, il décrit la game. C'est ça qu'il fait. Il a décrit pareil comme en radio aussi. Ouais. Il y en a peut-être un peu moins intense. Il y en a mis trop parce que. Ouais, un peu moins intense. Je trouve pas qu'il en mettait moins bien. Il s'est ajusté. Ouais, ben, puis il y a encore un petit peu de travail à faire, mais pour de vrai, c'était bon. Moi, j'aimais ça, les entendre en radio. Moi, ce que je trouve malade, c'est ce gars-là, quand il parle, des fois, il fait juste comme avoir un petit commentaire de Danny, puis tu te dis tout ce qu'il a fait, Mark, là-dedans, c'est. Il a pris son souffle, c'est comme. Parce qu'après, il repart. Une affaire là, imagine là, si dans la Ligue nationale t'enlèves à peu près une dizaine d'équipes là, puis la coche de jeu augmente de ça, puis des batteurs t'en auras même plus besoin parce que t'auras plus ces gars là sur la glace, puis le niveau de jeu va être ça coche, man. Ben là, c'est sûr que si t'enlèves des équipes, ben là, les repêchages sont moins gros. Fait que les. Tu sais, je veux dire, quand t'arrives à. Tu vas aller chercher les meilleurs. À la fin de la première ronde, dans le fond, là, s'il y a juste 15 équipes, mais les autres, ça va être des choix de deuxième ronde. C'est pas des vrais choix de premier, tu sais. Mais enlève 8-10 équipes qui pognent pas, mettons, dans la Ligue nationale. Les autres amphithéâtres vont se remplir tout le temps si t'as des teams vraiment à côté. T'as des choix de 5e ronde, man, qui ont des carrières plus. Non, mais c'est plus payant pour une ligue d'avoir plus d'équipes, là. Ben oui, c'est ça. Oui. Il y a comme trois, moi, il y a parle... comme quoi, trois, quatre, sûr, mais pour le spectacle, on parle de qualité de jeu, ouais, là. Hum. On parle pas d'argent, là. Je parle juste de qualité de jeu. On s'est entendu que la qualité aux Olympiques, là, quand t'avais des teams comme mieux. Les États-Unis, la Finlande, la Suède, le Canada. Ouais, mais en même temps, là, t'avais ça fait beaucoup de la game, de là. Talent. À la limite, même les Suisses, tu sais, je veux dire, ils se débrouillent bien, là, tu sais. Ouais, mais t'avais beaucoup de talent. Les Lettons sont forts en défense. L'équipe canadienne, c'est parce qu'il y a tellement de talent, là, mais là, t'aurais pas. Je veux dire, il n'y a pas une équipe dans la Ligue nationale qui a autant de talent que l'équipe en 2018 en Corée. Si ouais. Les gars de la Ligue nationale en sont pas là. Ouais, ils vont être là. Ouais, on ça va être poche. Ouais. Hey, le Canada, on va-tu s'en crisser un peu? Ben, on serait chaud qu'on serait quand même pas. On serait patriote, mais ça serait pas aussi excitant. C'est sûr que la Suisse va gagner. T'sais, la Suisse qui a zéro. Non, c'est la Russie qui va gagner parce qu'elle. Parce qu'on paye le gars de la KHL. Mais fait qu'elles autres pourraient tout envoyer le gars de la KHL. Ouais, c'est ça. Ça marcherait pas à ce moment-là. Ça serait dégueulasse comme tournoi. Le Canada serait. Canada-États-Unis, c'est pourri, ouais, mal représenté. Ouais. Pensez-vous qu'il va y avoir un boycott des jeux en non. Corée, non? Non, non, les joueurs veulent y aller, c'est sûr. Non, non, un boycott général des jeux, moi je parle. Il y a même des DG, Joe Sakic qui a dit que c'était bon pour le hockey. Là. Ben ouais, mais ça. Il y a des DG, mais le problème, c'est les présidents. C'est eux autres qui font le cash, qui veulent pas. Ben regardez la situation avec Tavares, il est pas là. Mais oui, ouais, c'est le CEO qui va payer le reste de son salaire, mais c'est plus que ça, Tavares, c'est la valeur de ton club. Puis ça va bien. C'est ça, ouais, fait que là, c'est put un club de it puts asses, bon, ben ça, c'est ça. Ouais, mais peut-être qu'il y a 5-6 fans de plus qui vont soit là parce qu'ils jouent. Ouais, mais ce qui est de la bullshit, là, c'est que... Ça ouais, ben, c'est 10 pièces l'étiquette, parce que c'est pas plus ça aurait pu arriver dans la Ligue nationale. Ah ouais. La même affaire aurait pu arriver dans la Ligue nationale, elle est plus blessée. Mais là, c'est pas parce que mais il se blesse pendant la Ligue nationale, il est comme vraiment... OK, dans la... Je suis d'accord, en bout de ligne, ça change. Fuck ça change rien. Alors, je sais. En bout de ligne, là, qu'il soit blessé dans la Ligue nationale ou dans un tournoi olympique, ça change fuck all le résultat. Mais c'est parce que tu l'as prêté ailleurs. Ça aurait oui, été ouais, blessé chez vous. Mais c'est pas pire que quand ils font le tournoi, genre à la fin de la saison, ça se peut qu'un joueur se blesse et puisse même pas jouer la saison prochaine. Coupe mondiale, là, personne va là. Ouais. Il y a juste les Russes qui y vont. Là. Yeah! Les Russes, les joueurs qui se font expulser. Tous les Européens. Qui se font sortir des séries. Ouais, je sais, mais même des Canadiens, il n'y a pas bien. Ben, ouais, Jonathan Toews ira pas là, même s'il se ferait éliminer. Eric Staal, parce qu'il va pas aux Olympiques, fait qu'il l'envoie là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais s'il choisit d'y aller, mais il y a pas bien de goalers canadiens qui y vont là. Le meilleur goaler, c'est pas fort, là. C'est pas Team Canada. Là. Fait que c'était notre segment fin des Olympiques 2014 à Sochi. Avant de commencer. Que d'émotions. Que d'émotions. J'ai goût de remettre le thème, mais je le voir pas. Avec la médaille, man. Ouais. Volée en plus, man. Bang! Volée. Ils ont crissé une volée. Ah, ok. Je pensais qu'ils l'ont volée, la vache. What? Un moment de. Volée, man. Un moment d'hésitation. Avant de commencer, juste montrer aux gens qui nous écoutent live présentement en background, vous avez droit à la partie canadien Kings de 1993, finale de la Coupe Stanley. Coupe. Ouais. Avec des publicités de pizza McDonald's et de Provigo en arrière. C'est fou, toutes des affaires qui n'existent plus. Puis, là-dedans, là, dans ce temps-là, ils ne montraient pas le score et le temps restant. Ils montraient juste une fois de temps en temps, man. Hey, c'est même trop vrai. Alex, on était allé se louer des jeux vidéo pendant cette finale. Ouais, ouais. Nice. En troisième période, on est parti pour aller sur le serre vidéo pour se louer un jeu de Super Nintendo. Bon, ben, on a vu une célébration, mais on n'a pas vu la fin de la game. Bon, ben, vous avez le temps des voir. On était jeunes. Stupide. Pénalité Montréal. Sur ces superbes souvenirs, commençons le match. Pendant que les Kings font un tir au but, nous on drop la puck et on commence la partie. C'est parti pour la première période. Alors, vas-y, ça se vire canadien. Justement, Dave, t'as l'air prêt, vas-y donc, on va y aller pour les quelques stats qu'il y a depuis le retour de la pause olympique. Oui. Donc, retour. m'a donné le match. Bon, ok, j'ai ça ici. Le 26 février, Canadiens contre Détroit, défaite d'une game de merde. Ah, ben, ça, ah, c'était terrible. Reviens des Olympiques. Tellement quel la paix, spectacle c'était une des de pires games de la saison. Ouais, deux tiers, troisième. Ouais, c'était pourri. Détroit 2, fait que. J'ai ça à mon dire, ben, mais parce qu'ils reviennent des Olympiques. On a non, cherché un c'est point, pas parce par qu'ils reviennent des Olympiques. Il y en a qui utilisent. Les journalistes, ah, ben, tu sais, c'est après deux semaines de vacances, tu sais, c'est la misère à revenir. Mais Chris, les autres fuck équipes, il ouais, y en a une qui revient tout le temps. Là. En plus, tu sais. Un gars, off, il y avait des blessés comme importants pour les Red Wings. Ils n'ont pas le Zetterberg, il leur manque je sais pas qui en plus, là, tu sais. Ouais. Fait que ouais, tu sais. Ouais, tu sais. Chris. Bon commentaire, Alex. Mais on est allé chercher un point quand même. Ouais. Ensuite, le 27 février, un massacre, ben pas un massacre, mais un match offensif. Canadiens ont gagné 6-5 en tir de barrage. Ouais. Ça, c'est une bonne game. Ça. Ben, là, il faut dire que Bouddha est dans les buts là, pendant ces matchs-là parce que. Ouais, parce que là, là si on l'a Price, pas dit, ouais, Price est blessé. Là. Price est blessé, on ne sait pas pour combien de temps. Présentement, il n'a pas joué encore. On a même fait goaler Tokarski. Je t'ai mêlé. Blessure qui aurait aggravé pendant les Olympiques. Ouais. Ça, j'écoutais tantôt là, avant de m'en venir. C'était ça, toi. Non, mais j'écoutais la radio dans mon char. Ok. Puis non, mais il disait ça, que Price avait dit à Martin McGuire que si jamais le Canadien serait en série aujourd'hui, il jouerait. Tu sais, genre, il serait dans les nets aujourd'hui. Il est pas assez blessé. Ben, il dit, dans le fond, il veut juste qu'il soit 100% ouais, pour justement le dernier drive. C'est pas une blessure majeure. Ben, c'est ça. C'est une bonne blessure, mais pas. C'est sûrement Allen. Ouais, Allen, mais j'ai entendu un genou et tout. Non, c'est ce qu'il disait. Blessure au bas du corps. Il disait la façon qu'il fait ses affaires, c'est pas consistant avec les blessures au genou. Ouais, mais. Non. Dans le torse au genou, ça se pourrait, là, quelque chose du genre. Anyway. Ensuite, 1er mars, Canadien contre Toronto. Victoire en prolongation de 4-3 du Canadien. Beaucoup de games qui sont finis en prolongation ou en tir de barrage. Beaucoup hein. de games. Défaite ensuite du Canadien le 3 mars contre Los Angeles 2-1. Au moins, c'était pas 6. C'était pas 6-0. Ouais, comme au début de la saison. Ouais. Mais ben, ça, non, ça oui. aussi, c'était pas une game. C'était pas une grosse game. Ça accroche, là. Mais je l'ai pas tout complet parce que c'est 17h. Moi, j'ai même pas checké. Ensuite, victoire du Canadien le 5 mars. 4-3 contre Anaheim en tir de barrage avec Tokarski d'un but. C'était bon, qui a, avec... alloué probablement le pire goal de la saison, même quand elle a dévié sa bande. Mais tu sais, c'est pas de sa faute en même temps. Ouais, mais c'est le goal le plus laid que tu peux pas. Tokarski, il aurait pu battre son propre but le plus laid quand, je pense que c'est Getzlaff, il a eu la puck dans ce slot. Il fait un tir, mais Tokarski fait son déplacement, mais il s'enferge en même temps, il tombe sur le cul, puis Getzlaff pogue la poste. Ouais, Thomas, il a fait la même affaire. Il est tombé sur le cul comme un espèce de pee-wee, là. Oh, ouais. Il a tellement été chanceux qu'il pogne le pause parce que ça rentrait, il était même plus dans son... Là, il était même plus dans son net, là. Thomas, il a fait ça, il a pas longtemps. Ouais. Non, mais Thomas. Puis il a fait le seul. Thomas, c'est juste normal. Il s'est enfergé dans sa moustache. Ouais. Mais Tokarski, qui a fait un game. Ouais, quand même, qui a un drôle de style. Il a eu quand même 30 que tirs. C'est la meilleure équipe de la ligue. C'est ça. Il y a vraiment un drôle de style aussi, Tokarski. En shootout, tellement petit, il est tout penché par en avant. Il est fuck all. Puis là-dedans, il est fuck rush, man. Non, mais il a fait de la job. Il a gagné contre la meilleure équipe. Ah, il y a eu aussi. Ouais, mais t'as de l'adrénaline aussi. Il a bien fait, Michel, de le mettre. Parce que justement, ça fait ça. Ok, le kid va jouer contre la meilleure équipe de la NHL. Puis après, si tu te retournes, tu dis bon, ben les gars, laissez pas tomber votre goaler. Fait que tout le monde veut se donner plus. C'est un bon temps. Puis il y a eu quand même de quoi que j'avais probablement jamais vu avant ça. Un but refusé en tir de barrage. Ben, il était pas bon. Il était pas bon. Il était pas bon, mais j'ai rarement vu ça, par exemple. J'ai vu une couple de fois des reprises en tir de barrage, mais... Poteau, ça aligne. C'était là qu'un... Markov est allé chercher la victoire pour le Canadien. Ouais. Ouais. Il avait l'air à Chris Hiller, man. Tu sais, genre, c'est, il est resté de bout, là. C'est que, oh, fuck. Ouais. I didn't expect that. Il a sûrement dit ça. Ouais. En plus de même. Il est dans son mag, il a fait comme, I didn't expect that. Pas sa tête, là. Pas fuck! Non, didn't expect that. Ouais, didn't expect that. Tourne au bain, là. Ok. Elle m'a dit douche. Bon. Pleure en boule dans la douche, là. Il se bat avec des savons, là. Why did you do it? Il se fait battre avec des savons dans une serviette ou des bobettes. Savons dans les têtes d'oreiller. Oh, mais ils ont pas de têtes d'oreiller, fait qu'ils prennent des serviettes ou des bobettes. Genre. Dave, écoute, tu sais pas ce qu'il y a dans la chambre des joueurs. Il y en a peut-être des têtes d'oreiller. Non, peut-être qu'ils font ça régulièrement, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui avec le gel douche? Je sais pas. Un peu de savon? Il se lance les bouteilles. Chris, il y en a encore les savons. Non, mais c'est vrai qu'il y en a un, lui, Chris, il veut le bar. Moi, je n'aime pas ça, le gel douche. C'est toujours le bar, là, ça. Non, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont des gels douche. Parle-moi-en, Alex. Parle-moi-en de tes bars. Irish Spring. C'est un sujet. Dove for Men. Zest, man. Non, pas du Zest. Zest. C'est quoi? C'est Lever 2000. La marque choisie président du savon. Se lave avec du zest. Pas du zest de citron, mais on vient voir des stades de pas du zest. J'ai déjà vu le mais... savon de grand-père vert et blanc. Chamoiré. Avec des lignes. Qui a une petite odeur là, ouais, de vieux, pue, genre. Ouais, tu pues plus en sortant de ta douche qu'en rentrant. Tu sors de la douche, tu sens le savon cheap. Ok, c'est un podcast d'or. Ouais, mais c'est pas de la chambre. Ouais, ces gars-là se lavent, man. Souban, il se lave avec du zeste. Okay, that's a fact. Vous l'aurez appris en primeur à la soirée du podcast. Souvent, t'es invité à la soirée de podcast. Oui. Fait que, dernière game, le 6 mars, Canadiens ont perdu contre Phoenix. Ouais. les débuts de Vanek. 5 à 2. Qu'on reparlera tantôt ouais. dans les échanges. Là. Avec encore Boudaille dans les goals qui n'a pas été de tout feu, tout flanc. Pas une bonne game, disons. Il va goaler contre les Sharks. Ouais, mais rendu là, t'as-tu vraiment le choix? Tokarski, sinon. Il y en a qui me disent ah, peut-être remettre Tokarski. Mais si tu mets Tokarski, ça veut dire qu'il faut que tu échanges Boudaille. Parce que tu vas le perdre, là, c'est comme fuck you. C'est comme lui, c'est le premier. Ouais, ben là. C'est ça. Là. Ah ouais, j'ai connu mauvais game, laisse-moi la chance de me reprendre. Non, c'est clair. Ouais. Fait que c'est ça. C'est clair. Puis il y a eu d'ailleurs un but refusé encore là-dedans. Le Canadien a eu beaucoup de ça cette année, des buts refusés. Ouais. Puis celui-là, il était accordé par la suite. Il y en a eu même eu deux par game. Il y en a eu deux dans celle-là aussi. Ouais, dans cette game-là, le but refusé qui était accordé, c'est parce que la POC a frappé la caméra. Elle a pogné le poteau. Il est accordé. Elle a, oh, dans le fond du net, pogné la cam, puis ressorti par en avant. Puis le gars, il a fait no goal. Puis Pacioretty, il dit Chris, je l'ai vu rentrer. Ouais. Puis on il a dit vraiment Chris, je l'ai vu rentrer. Puis à ce moment-là, quand il retourne en reprise vidéo. Tout ce qui se passe entre-temps, je pense que si le but est accordé, tout ça s'annule au complet. Sauf, de ce que j'ai compris, sauf les pénalités peuvent être des pénalités. Ah, OK. Si le jeu continue, puis moi, je décide de crisser mon bâton sur la tête, c'est même pas... Ah, mais là, ça pas de pénalité, il y avait un but. C'est ça, c'est très logique comme règlement. Fait que, ben c'est ça, le résumé des derniers matchs. C'est là où est-ce qu'on en est présentement, vendredi, présentement. Done with that. Ah, c'est la litière à chat. Fait que les gars, on est dans le dernier droit de la saison. Il reste moins que 20 matchs. Dernier match de la saison, 12 avril, contre les Rangers de New York. Martin Saint-Louis. Ouais, pour une fois, on joue pas contre Toronto en, ouais, en c'est dernière bizarre, game. That's weird. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Eh ben, c'est vrai. Check. Ça, c'est la vérité. That's a fact. That's a fact. That's a fact. That's a fact. La Ligue s'est rendue compte que Toronto avait un club de marde et que ça faisait plus de challenge à la fin. Ouais, parce qu'ils se rendent jamais en série. Fait que qui dit retour retour au hockey et la pause olympique dit retour de certains joueurs aussi. On a eu le retour d'Alex Galchenyuk et de super Travis Moen qui est revenu. Galchenyuk, je suis bien content. Puis il est revenu. J'aime mieux le retour de White, il est plus efficace. Ouais. Mais non, Galchenyuk, il joue bien. Non, non, mais je parle avec Moen. Je compare pas Galchenyuk et White ensemble. Je compare Moen et White. C'est pour ça que je me suis indigné. Mais oui, je vois ça. Mais... pas de problème. Bon, fait que faisons un petit tour de table. Wheeze et tout, hein. Il y avait eu le. Oh, c'est ouais, je l'ai. Il a mangé le balafré. J'ai tantôt ce Wheeze. Ah, mais. Ah, tu l'as, ça? Il y a un patin aussi, là, mais ça, c'est. Ah, pas le patin, le bâton, mais le patin. On reviendra avant, tu sais. Ok. Chaque chose en son temps. On va faire nos plus et nos moins des dernières games. Fait que tour de table. Mais là, on fait le plus et le moins des games qu'on vient de parler depuis des 6 games. Ouais, depuis le retour de la pause olympique. Alex, veux-tu commencer ou. Ben, je sais pas. Hein. Mais moi, j'ai pas de notes. Ben, vas-y que ton cœur. Mon plus, ça va être Markov. Je trouve qu'il joue super bien depuis un. Bon choix. Excellent choix. Ça serait probablement le mien aussi. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur joueur du Canadien présentement. Ben, oh non, pas Charlie, tout va pire. Mon moins, c'est Brandon Gale. Non, c'est pas vrai. Je sais que tu t'en vas. Mon frère va te stabber dans un œil. Ça, là. T'as peur, là. Okay, vas-y, vas-y. Mon moins, pour de vrai, Chris, René Bourque. On ouais, l'entend c'est... pas parler, on le voit pas ce gars-là. Ou même Lars Seller. Ah, c'est-tu moi, c'est lui. Ah, Lars, fuck you! C'est les deux, là. Les 20 deux, games, pas de points. 20 games avec un point. 21 ouais. games avec un point. On a fait Dave, même. Vas-y donc avec tes choix d'abord. Ah, Lars Seller, mon moins, définitivement, man. Hey, il a été benché pendant une des dernières games. Puis hier, il a joué sa quatrième ligne. J'ai encore pas gagné de 6 pénalités. Il a pas gagné des pénalités. Il est con, man. Sérieusement, il aurait fallu l'échanger, ce gars-là, pour le faire changer d'heure. Parce qu'il y a peut-être un potentiel, mais. Tu le crées sur une quatrième ligne, quoi que ça nous donne la profondeur. Quand t'es rendu à Keller sur la quatrième ligne, tu te dis, bah, c'est quand même. Au début pompé, d'année, mais on voulait que ce soit notre centre de premier. Un premier centre! C'est le meilleur! Ouais, c'est ça, ça a fait comme. Ton plus? Puis mon plus, ben, je serais tenté pour Markov, moi aussi. Bon choix quand même, bon choix. Alexandre. Il y aurait d'autres bons choix quand même qui me viennent en tête, là, mais ouais, je vais laisser la chance au coureur. Ouais, c'est ça. Fais des choix différents. Bon, au moins, je vais être, je crois pas très, très, très original, mais Ryder. Pas Ryder. Déconcentré par la game. Lars Ryder. Lars Ryder. Non, parce que Ryder me fait penser un peu à Bourque, mais Ryder, il scorait des buts, mais Bourque, il est mauvais. Il René, pourri, René Ryder. Pourri, il est pas capable de rien faire. Il y a pas qui. Je sais pas, il est pourri. ouais, Eller aussi. Mon plus, peut-être des harnais. Ouais. J'aime bien les harnais ces temps-ci. Il, ouais. il est confiant. Il, ouais, il joue bien. Ben, tout ce trio-là. Ah oh, ouais, c'est ça. Galère, on peut, ouais, ce trio-là, on peut dire que. Dernier qui a eu un début de saison difficile puis qui est revenu. Ouais, plus fort, Gallagher, Patrick aussi, ça roule bien, c'est cool. Ouais, fait, tout ce trio-là, ça, c'est un plus. Puis, ouais, c'est ça. Moi, je vais dire mon plus, Pacioretty, parce qu'il est encore constant, puis encore une grosse force dans l'équipe. Pis, il a franchi les 30 buts. Ouais, franchi 30 buts. 30 buts, ouais. Est-ce qu'on va avoir un marqueur de 40 buts dans notre équipe cette année? Peut-être. Ça se pourrait très bien. Peut-être deux. Puis je serais pas original, mon but, mon moins, mais René Bourque, sacrament, là. On peut-tu le descendre à Hamilton? Lui, c'est pas léthargie de 20 games comme Heller. C'est une léthargie. On a joué combien de games? Il est épouvantable. C'est blessé, là, mais tu sais. Il est vraiment épouvantable. Une léthargie d'au moins 40 games. Enlever son temps de glace, là, pour vrai. Le Bourque, ça? Ah oh, ouais, Bourque, come on, là. J'aimerais ça avoir ça, ce stade-là, ne pas compter depuis, mais ils mettront pas ça sur le site du Canadien. Ouais. Non. Bon, j'ai des trucs par rapport à des échanges qu'on a fait, mais je pense qu'on va se garder ça pour le bloc échange après. Là, fait que, ouais, ça va risque d'être long. Qu'est-ce qu'on a comme sujet? Ben, Markov qui veut rester à Montréal, ça a été dit cette semaine, ça. Ouais, dis tout ça, c'est un speech pour genre, je veux. Ah, écoute, je veux vraiment jouer faire de la pression. Là. Comment là? Tu m'offres? Il veut faire de la pression. On en parle souvent, mais on le garde-tu, Markov, à Montréal? À quel prix? Qu'est-ce qu'on rendu là? Combien de temps? Ben, 2 ans max. Autant que possible. Moi, un an, j'aimerais ça. Moi, je veux l'avis de mon frère. Il n'a jamais donné son avis. Moi, je serais prêt à donner un 2. Mais tirerais peut-être à 3, mais limite, là, ça dépend si c'est un contrat qui peut descendre un peu. 3, c'est trop long. Man. Moi, j'irais jusqu'à 3 ans. Moi, j'irais. Ouais, pas moi. Moi, j'irais jusqu'à 3 ans. Il t'a quel âge, le Canadien? Ben là, le Canadien, il paraît qu'il offre un an. Puis c'est justement, c'est ça, lui, il en veut 2. Ben, un an, c'est deux, un peu radin. Je donnerais 2 n'importe quand. 2 facile. 2 au moins, 3. Hey, c'est parce que si tu le signes à 2 ans, tu vas le payer cher, tabarnak. À 3 ans, tu vas peut-être réussir à baisser le prix un peu. Ouais. Tu sais? Plus tu vas donner d'années, plus le prix va baisser. Un an, je trouve ça inutile. Si tu veux le garder 2 ans. 2 ans à 5 millions. Si tu penses que la fenêtre peut s'ouvrir dans une couple d'années, la fameuse fenêtre. 5,5. Cette expression. 5,7 peut-être. Mais tu sais, il vaut quoi? Il vaut plus. 5,5. Tu peux te donner 6? Est-ce qu'il y a des équipes, mon gars? Carey Price fait 6,5. Ouais, mais Markov, comment il a joué cette année avec son... Pas meilleur joueur de ton équipe, là. Non, mais man, c'est un des gars qui peut te faire gagner. Man. Ouais, mais c'est pas meilleur joueur de ton équipe. Ton meilleur joueur de l'équipe, présentement, il fait 6,5. Mais justement, s'ils sont prêts à aller chercher à gros prix dans une autre équipe, on serait pas mieux de laisser de la place pour, sais pas, le baser problème, l'équipe ouais, ou un ouais, peu. Je suis d'accord. Si on pense à long terme. C'est ça l'affaire, c'est que... La fenêtre est vraiment ouverte? Non, non, c'est ça, puis c'est pas prêt là. Ce qui s'en vient, tu regardes Bourque, pas Bourque, Beaulieu puis Tenordi. Non, c'est pas prêt là, là. Mais ça s'en vient, mais... T'as besoin c'est d'un ça, backup. Tu donnes un an ou deux, tu sais, puis après ça, tes gars sont prêts. Il crée un gars comme Markov, tu veux l'avoir comme coach. Je donnerais pas 6 millions. Moi, je donnerais 5,5. Il s'en vient à fin de carrière. Il peut dropper un peu c'est à la fin. C'est pas le gars le plus locasse. Non, peut-être pas, mais petit... il va parler par l'exemple, par exemple. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est... Il joue bien. Ce qu'il fait. Ouais, il est discipliné, puis ouais, il se donne tout le temps à Markov. Surtout quand il rentre. Regarde, moi, c'est sûr que je voulais pas qu'il l'échange. Pour moi, c'est comme un. Tu sais, c'est comme le play canic de la défense. C'est comme si t'es un joueur fiable, tu peux tout le temps t'y fier. Il est tout le temps là, man. Un moment donné, faut, ouais. C'est rare en crise qu'ils font des erreurs. Ça me dérange. Moi, je veux pas le perdre, mais je donnerais 2 ans à 5,5 max. Ben, s'il veut, je donnerais pas 6 millions. Non, peut-être pas, mais comme je te dis. 6 millions, c'est cher. Ouais, mais 5,5, je suis sûr que des équipes. Ça commence à être pas mal. Je m'en fous des autres équipes. Ah, je le sais, je le sais. Oui. Mais il veut rester à Montréal. Les Panthers, juste faire le 4, vont lui donner 7. Ouais, mais. Alex, s'il signe à 2, je vais être bien content, mais ça arrivera pas. Mais c'est ça qui demande 2 ans. Non, non, c'est 2 millions, je parle. Ah, non, non. Il va je le signerai le plus bas moi, possible. Moi, je dis entre 4,5 et 5,5. Mais ce que je te dis, la réalité qu'il peut demander, ça va être en haut de 5, là, c'est sûr. Ben, mais t'as beau demander. Négo, après. Négo, il est UFA, c'est... là. Il crée son camp s'il veut à la fin de la saison. Yeah, but that's a sure thing. UFA, tu sais pas. C'est encore sa blonde qui l'administre, ou c'est lui-là? C'est croche. C'est une salope. Non, c'est plus sa blonde qui est son agent. Non, c'est... C'est un russe. Ah, la filière russe. Sûrement le monde du KGB, ça. C'est ça. Voilà, c'est fait. Check, on va parler de la Crimée maintenant. Poutine! Ouais, hey, bon, ben, tu l'as parlé tantôt, Delwis qui s'est fait un coup de patin au visage. Par l'hostie de Kadri. Nazem Kadri. C'était pas de sa faute. Là, qui est dans mon pool. Tabarnak. Je suis d'ailleurs dans la cale. Là, mon pool. Lui, je le battrais avec un savon dans un sac de... Dans une tête d'oreiller. Nazem Kadri, ouais, pas mauvais. Mais ouais, l'éclopé. Oui, c'est le balafré. Le balaf McGrath. Il a une sale gueule. Il a une sale gueule à base. Il a une sale gueule. Là, il y a une grosse crise de fente au-dessus de la lèvre qui va quasiment jeter sa joue. Puis aller un petit peu sur le côté. Ça aurait pu être plus grave que ça. Pareil, un coup de patin dans la face. Ah, il y a des chansons. Pas loin de la gorge, pas loin de. Ouais, 3 pouces de moins de plus bas, puis ça te dirait. Hey, parlons des protections. Un pouce plus haut, puis il est dans l'œil. Ben oui. Prends pas là-dedans. Fait que c'est ça. Protégeons pas. Il n'y a pas grand chose à dire. Je Il est magané. Un trooper. Il est magané. Il joue bien. Il joue bien. Il n'a pas joué dans la game, mais il joue bien. Ben, ouais, mais là. Il était benché. Non, qu'est-ce que tu veux? C'est parce que là, estimé que. Attends un peu. Mick Pross, ils reviennent. Mick Bournival, ils reviennent. Tabarnak, mon gars. Ils vont se faire bencher. Bourque, là. Envoie-moi ça en haut, là. Tu peux pas. Ah, ok, ouais. Ah, ouais, là, tu peux pas bencher Bourque. Quand Pross revient, tu gardes qui? Puis tu t'envoies qui? T'es mieux mettre sur la glace Bourque que Pross? Non, tu es malade. Pross, quand il revient, c'est sûr qu'il pogne la ligne. Parce que là, moi, j'étais égal. Puis, tu sais, on s'entend-tu qu'un Pross sur une quatrième ligne, là, tabarnak, ça veut dire que t'as du stock en avant. C'est là. Ça qui va arriver tout. C'est ça, mais ça, c'est très bon. Même. Mais après ça, là, t'as Bournival, il va faire le. C'est comme Weiss, toute cette quatrième ligne. Wild. Un autre joueur d'énergie, vont... c'est ça. Wild, puis Weiss, puis tout ça. Bournival, ils vont switcher. Ouais, man. Pas grand chose à faire. Il y a Brière dans ça et tout, là. Ouais. Tu mets où, lui, Chris? Ah, la Brière avec l'arrivée de Vanek, que tu le pairs avec Vanek. On sait pas si on en parle tantôt ou on en parle tantôt. Ouais, mais... ok, c'est bon. Ben, ouais, ok. Mais tu le mets où? J'étais un peu déchiré. On a parlé de. J'ai vu quoi par rapport à ça, puis ouais? Je trouvais ça pas fou. Mais en tout cas, on en reparle. On a parlé de Price qui s'était blessé. Je pense pas qu'on a rien à rajouter par rapport au fait qu'il avait une blessure aux Olympiques. À quel prix tu vas aller chercher un médaille d'or à un moment donné? Ben là. C'est correct. Médaille d'or, pour le reste. Mais c'est parce qu'on s'attend qu'un. On sait pas ce qu'il y a non plus. Il n'y a pas eu vraiment de rapport officiel de données de il est blessé sur quoi, comment, pourquoi. Ben, ou... il dit jamais ça. C'est le bas du corps. Ouais. Le bas du corps. Il est blessé au corps. Il a mal quelque part. C'est vrai qu'il a allô, donné, gosse. Il a donné une, il a donné une entrevue en français, Price, pour savoir comment comme passer par-dessus le fait qu'il est blessé. Puis on l'écoute, je vous propose ça. Je pense que les gars ont patiné, puis on continue de patiner, puis on patine. Mais tu joues en dépit d'une blessure. Bah, c'est sûr, c'est plus de patiner, mais on continue de patiner, on patine. Puis... C'est pas demain la veille que tu prendras ta retraite. On patine, puis peut-être partir une shop de patin. Alors voilà. Partir une shop de patin. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être partir une shop de patin. Un autre blessé qu'on a appris cette semaine, Josh Georges, qui est blessé à la main. Oui. Ben, c'est une shop qui avait bloqué, que ça l'avait fait. C'était contre les pingouins, en fait. Ouais, en plus, il y en a reçu un autre. Là, c'est quoi? Il était fracturé à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il y a une fracture. Là, c'est ça. Probablement, là, ils ont solidifié la patente. Ouais, ils mettaient du tape comme un peu. De toute façon, Georges, qui n'était pas dans les top joueurs du Canadien dans les dernières games, je trouvais. Non, mais c'est quand même un défenseur. Mais oui, il est fiable. Peut-être pas, mais ça a apparu à la dernière game. Il manquait quelque chose. Ça fait scorer avec les 5 buts. C'est ça. C'est ça. Ah ben. Ben, c'est plate. Mais on a tellement de défenseurs, là, on met Dreamweaver. I believe. Fait qu'on met Monsieur Dreamweaver. Fait que, puis on a toute la gang, mais on a tellement de profondeur à défense, c'est comme. Bouillon est encore benché, pauvre gars. Ah, Bouillon, je. Ah, ouais, ah, si, c'est vrai, il est encore dans l'équipe, ce gars-là. Oui, ouais. C'est comme le souffle-douleur, ça. Pauvre Boubou. Ouais. Boubou. T'es avec toi, Frankie. C'est quoi c'est son contrat à Boubou présentement? Ouais, c'est un an. Il finit cette année. Ouais, c'est sûr qu'il revient pas l'année prochaine. Bouillon, il va-tu prendre sa retraite? Il va-tu ramasser à TVA Sport? Ouais, il prend sa retraite. Il va peut-être trouver d'autres teams, on remarque. Il est rendu à quel âge, le Bouillon? Non, il est vieux. Je pense qu'il va l'arrêter à Montréal. Il est bon, mais il ralentit. En tout cas, c'est plus le Bouillon des belles années. Le but, pensez-vous, il y a une reprise du but. Pensez-vous qu'il était. On va vivre ça avec vous autres. Marty McSorley. Je m'en rappelle plus, c'est Marty McSorley. On est distrait par la game de 93. D'ailleurs, on voit. Non, mais je vais voir ça a fait les deux poteaux, mais c'est comme la game avec Tokarski, mais cette fois-là, elle a dépassé la ligne. Oh. Je pense qu'il va être. Il va être Sauf qu'en 93, il n'y avait pas de reprise vidéo. Ben oui, oui, mais check l'angle qu'on a. On n'avait pas d'angle. Ben on n'avait pas d'angle. Dans haut, là. C'est parce que tu l'as manqué. En tout cas. Tu le réécouteras en reprise. Ouais. La période achève, les gars. Il reste une affaire que je voulais dire. Un espoir du Canadien qu'on a, Tim Boson, qui est à l'hôpital en train de mourir de la méningite. Oui, dans un état critique. What the fuck? Tim Boson, il a la méningite. Il est en train de mourir. Ben, il est en état critique à l'hôpital avec la méningite. Okay, mais ça veut pas dire que non, mais des fois, ils ont dit qu'il y avait la méningite cette semaine. Il était en état critique. Ouais, quand t'es rendu en état critique, c'est parce que t'es sur le bord de la mort. Ben, t'es proche, mais ça veut pas dire que tu vas mourir. Non, mais t'es en état critique. Je sais, mais si j'ai deux jambes, tout écrasé par un train, man. T'es pas en état critique, t'as juste plus de jambes. Ouais, mais c'est pas tout le temps bon signe. Ouais, mais t'es à l'hôpital, t'es en état critique. Peut-être tu vas mourir. Tu sais. Ouais. Mais toi, critique, ça veut dire peut-être qu'il va mourir, mais ça veut pas dire qu'il va mourir. Non. En tout cas, anyway, là, c'est plate. Alex Galipo, MD. Ben, sur ça fait le tour de la première période. Fait que, on va aller faire une entraque, puis on vous revient pour la deuxième période avec. On va parler des trades. Il y a Marc Bergevin aussi qui a perdu sa belle maman. Ça devait être tough, ça, travailler. Là. Ouais, Fallu logis. On en reparlera tantôt. On parlera des trades. Moi, je le veux. Moi, je le prends. Okay. Accepte le contrat. On fait une pause, puis on vous revient. On est de retour pour la deuxième période. Et on rentre dans la. On rentre dans la section. That's a fact. Dans la section Around the NHL. Around the NHL. Mais on va quand même parler de la section. La section around the, around the NHL. Quel timing impeccable. Vas-y donc, Dave, tu veux parler de où on était présentement? Je m'en rappelle plus. Ouais. Je voulais juste dire que le Canadien, présentement, est deuxième dans la division Atlantique avec 77 points. En fait, on est troisième là, au point dans l'Est. Là. Pas super pour un club average. On parle de Pittsburgh, average. 86, Boston, 85, puis Montréal, 77. Quand même pas si mal. C'est très bien. Bonne position pour les séries. Ça. Ouais. On n'aurait jamais pensé au début de la saison. Là. On n'aurait pas pensé au début de la saison. Qu'est-ce qu'on disait la saison passée? On n'aurait pas pensé... Ouais, on pense là, rarement c'est, ça c'est, du c'est Canadien. Weird, là, qu'on Fire soit Terrien. Bon. Ouais, fireterrien.com. Fire Bergevin, Fire Terrien. Ah, ouais, c'est de la merde. Ouais, ouais, ouais. Ils sont vraiment pas bons. On fait pas des bons moves. Fait que. Je suis pas d'accord. J'ai des. J'ai quelques sujets de. Je pense qu'on va peut-être s'enflammer tantôt. J'ai quelques sujets de Round the NHL, mais je propose qu'on commence par tout ce qui est les trades et les échanges, parce que la date limite des transactions était mercredi de cette semaine. Hey, l'annonce de ADS des transactions, c'était-tu de la merde? Ouais. D'annoncer les transactions de l'année passée. Quoi? Ouais. Ouais, en fait, ah, la je... pub! Asti, oui, c'était la marre, une pub. Hein? Ouais. C'était une pub, comme pour dire, genre, ça, on va faire une émission spéciale. Ouais. Moi, ça me mettait en crise. Ben, moi, je trouve. Moi, parce au que début... là, j'étais comme. Asti, Jagger, ouais, il a changé, là. Sort d'un trade, c'est quoi? Jagger s'en va pour. L'année passée, c'était qui, Boston? Ouais, je sais plus. Là, c'est Higgin, là. C'est Higgin à Boston, hein. J'ai comme. Ouais. Ben, pour de vrai, là, cette émission-là, il commence à 6h le matin, ils n'ont rien à dire. J'ai après une heure l'après-midi. Ouais, midi, ouais juste même quand ils sont une heure l'après-midi, ils n'ont pas grand-chose à dire non plus. Il y a eu beaucoup de ce qu'on va mettre en quote des médias fails de la part de RDS qui ont perdu, oui, pour moi, beaucoup de crédibilité pendant cette période des échanges. Je vais en voir un sur notre site, de Facebook de. Mais en tout cas, ouais, François Gagnon. Ouais. Mais il y avait deux. François Gagnon, il savait pas c'était qui Weaver. C'est ouais, ça c'est. On va y aller de même. Okay. Premier média fail de François Gagnon. Ne connaît pas. C'était un petit Glenn métropolitain. Mike Weaver. Ce qu'il a tweeté, c'est. En Mike Weaver, le CH obtient un petit centre droitier comme Glenn métropolite, comme Jeff Halpern. Simonac. Simonac. C'est parce que c'est un défenseur, tabarnak. Ouais, puis t'as peu, là. quand t'es un journaliste, là, fais tes recherches, là. Ah, mais. Ouais, c'est vraiment bizarre que, tu sais, ce gars-là, où c'est qu'il est placé, puis. J'ai souvent ri de François Gagnon comme étant l'homme au dents jaunes, là. Mais là, tabarnak, là. Ben, il s'est planté, vraiment. Mais là, il a du rire jaune en Christ. Oh. Il a dit que. à pleine dent, même. Alors, le monde, ils ont dit ça. Ben, il dit, après, tu sais, il s'est défendu. Il dit, non, je disais pas que c'était pas un défenseur. Je disais pas que c'est un attaquant. Je disais juste que c'est genre la même grosseur. Après ça, il s'est défendu en disant que Tinder, c'est une bonne application. Ouais, ouais, ça, c'est un autre Mediafel, justement. Ah, tu vas parler de ça? Ben oui, mais ça rend des Mediafeld. Là, on est dans la section. C'est pas une affaire de hockey, mais c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, ça rentre dans le gros feld François Gagnon. Parce qu'il y a des journalistes qui ont perdu leur job cette semaine pour pas mal moins que ça. Il y a un journaliste de RDS. Je sais pas si j'ai ça quelque part. Non, le journaliste de RDS, t'as-tu checké, man? C'est quoi l'affaire? Ben, c'est parce qu'il y a, comme. Il a copié. Il a copié une entrevue en anglais ou un article en anglais intégral. Non, man. Check bien la face. Moi, je l'ai vu, là. Tu sais, il y a une vidéo sur YouTube. Il a copié. Il y a un gars qui a un site de hockey. Je me souviens pas c'est quoi le nom du site, malheureusement, puis je m'en excuse, là, même s'il nous écoute sûrement pas. C'est pas grave. Mais lui, il parle de hockey puis toute la kit, OK? Il a marqué sur son site exactement ce que le gars lisait. Puis les phrases, là, sont pareilles comme textuellement comme écrit sur son site, là. Il dit la même hostie d'affaires avec lui. Ah, il a pris le texte. OK, je vais te dire demain. Pis... Ok, toi, man, pas capable de mettre ça dans tes mots, man. Tu prends les mots qui sont marqués sur un site d'un gars qui fait ça chez eux, man. C'est comme t'as d'affaires. C'est Jérémy Rainville, le journaliste en question. Qui était... fired, il était jeune, lui, non? C'est quand jeune. Même, ah, ben, ouais, comme ça. Quand même. Un gars au 5 à 7. On a-tu une photo? Oui, mais ça sert à rien, c'est un podcast audio. Allez voir Jérémy Rainville sur Twitter. Ouais, mais ça... Mais il est quand même encore chroniqueur à 98.5 puis à une autre place ouais, de hockey. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, lui, ce qu'il a traduit, c'est un article du Ottawa Sun. J'avais ça dans mon texte ici. Ottawa Sun. Ah, mais moi, ce que j'ai vu, c'est encore plus fou. C'est vraiment les mots pour mots de ce que le gars... En fait, le gars a traduit ça du Ottawa Sun. Lui, il met ça sur son site. Ouais. Mais le gars, il fait ça chez eux. Il faut payer pour faire ça. Ouais, comme nous autres, on peut discuter. C'est ça. Lui, il a traduit dans ses mots ce qu'il avait vu dans le journal, justement. Ouais. Puis lui, il a récupéré exactement l'article du gars. Wow. Il a pris des phrases qu'il a soulignées avec des marqueurs. Là, ça ne tentait pas ce soir, là. Moi, c'est des chiffres. Ouais, mais lui, c'est des phrases, imagine, c'est encore pire, man. Ça ne tentait pas ce soir, là. Je vais juste copier un article. Fatigué. Mais revenons sur le cas de François Gagnon, justement. François Gagnon qui fait une belle publicité pour l'application Tinder cette semaine sur Twitter. C'est quoi ça? Tinder est une application qui permet de liker des photos de gars ou de filles, dépendamment de quel sexe ça t'intéresse, et puis après ça, ils te matchent avec du monde. Ooh. Fait que c'est comme une application comme de rencontre. Alexandre, veux-tu en parler? Tu l'utilises, cette application-là? Je m'amuse. ben, c'est ça, en fait. Ça utilise ton compte Facebook, tes photos Facebook. Puis là, tu te dis que tu es intéressé à homme ou femme. Puis là, mettons femme. Puis tu as un range de distance avec le. avec le un rayon, mettons, de 100 km autour de toi. Fait que dépendant, si t'es à Québec, t'as une autre banque de données. Mais mettons que t'es à Montréal, 100 km autour. 100 km, ça fait loin pour une petite visite, hein? Une heure à 100, c'est pas de trafic. Puis, moi, je prendrais moins de kilomètres un peu. T'as un rayon de 1 km. C'est sure thing. Moi, je veux pouvoir y aller à pied. Ouais, fuck off. Fait que, voilà, fait que tu choisis ton rayon, puis tu choisis ton range d'âge. Fait que mettons, entre 20 et 30. Fait que... Ouais, mais va, tu après ça, mieux, des fois tu prends une photo. Hey, ta gueule, c'est quoi ton Fait que là, t'as du monde qui apparaissent, des photos de filles qui apparaissent. Puis là, tu dis, elle est chaude ou elle est pas chaude. Fait que là, tu swipes d'un côté ou de l'autre. Si mettons, ah, elle est pas de mon goût, elle est pas de mon goût. Puis le moment donné, elle est de mon goût. Les autres, ils le savent-tu? Ils le savent pas. Tant que, mettons que. Ok, moi, si tu dis, elle est pas de mon goût, elle le sait pas. Mais si tu dis, elle est de ton goût, là, elle le sait. Non, si non, okay, tu dis, elle est de mon goût. Quoi. Si tu dis elle mon goût, puis elle aussi, elle trouve de son oh, goût. Y a un match. Là, il y a un match. Oh! Pis là, tu le sais. Mais s'il y en a un des deux qui a fait non, ben personne ne le sait. Je sais pas si François Gagnon a bien des matchs. Je sais pas, ça prend des filles qui ont les dangers. Ou qui ont les dangers. Ouais, ben, fait qu'il like ça, lui. Sur. Ben, en fait, il a fait une publicité pour l'application Tinder avec un post en français. Probablement un post autogénéré qui s'est même pas rendu compte parce qu'il a pas l'air de savoir comment les médias sociaux marchent, ce petit imbécile-là. Tabarnak, pour vrai, là, je suis plus capable de ce petit François Gagnon-là. Publicité pour Tinder. Dernier fail, encore une fois, ça, François Gagnon et aussi Luc Gélina. Qui ont retweeté un faux compte de Pierre Lebrun disant que Vanek avait été échangé à Pittsburgh. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Là, là, je m'excuse, là. Vous êtes des journalistes, supposément sérieux, pis, payés pour faire un job. Pis François Gagnon, il a retweeté le tweet de faux Pierre Lebrun, là. Qui avait été. Retweet... Tabarnak, tu l'as pas, ouais, tu l'as pas dans tes contacts, qu'est-ce que c'est, voyons. Ben, il y a une affaire qui a pas été reportée, mais je sais pas si c'est lui, mais j'ai vu qu'il y a aussi qui a retweeté un faux de McKenzie, de Bob McKenzie dans la journée, qui a été effacé vraiment vite. Okay. Fait que je n'ai vu un autre comme passé. Des hacks de comptes. Ouais, mais c'est des... Non, mais c'est juste du monde qui se font des faux comptes avec le nom Bob McKenzie, mettons. Ouais, mais renseigne-toi puis check le nom comme il faut, OK? C'est-tu le bon? Ouais, OK? Parce qu'ils veulent tellement être vite sa nouvelle, mon gars, là, que... Ah, Pierre Lebrun, retweet. Grosse prise des pingouins. Ouais. Vanek s'en va à Pittsburgh. C'est parce que, checker les tweets, je fais ça à ma job pendant que je travaille, moi, sur le fly. Ah ben, dis pas ça. Ben non, mais... Non, mais eux autres... Jean-François perd son emploi. c'est parce que eux, si leur source d'information, c'est la même que la mienne. Chris, pourquoi ils sont payés pour faire ça, eux autres, là, t'sais? Come on, des là. Des articles, là. Je veux bien être le premier sur la nouvelle, là, mais sacrément. Fait que ça, c'est la journée 30... Ouais, les fermes médias, ouais, y en a eu pas mal. Qui étaient pas mal beaucoup tous de François Gagnon. Il y en a eu plein. Que François Gagnon, t'es invité à la soirée du podcast. Ouais, c'est le fun. Ouais. Viens de justifier un peu, mon esti. JFTI, mais. Je vais dropper les gants contre François Gagnon. On va. Ouais, mais on a de la bière, par exemple. on est pas regardant. Fait que tu peux venir. Ben là, on va passer vraiment à ces échanges. Des pis... vraies choses sérieuses. On va y servir de la dent. on va y acheter de la flat tire des États, là. De la bière flat... dégueulasse. On trouve la bière la moins chère et on lui donne ça. Tintoué. Fait que, bon, ben, parlons des échanges que... On va même pas tablette, par... chaude. Chaude, serviette, ouais. Serviette. Chaude, voilà, micro. Pas tablette, si chaude. Je l'ai mis 350 pendant 15 minutes. 2 minutes au micro. Je te l'ai mis dans un biberon. Fait qu'allons-y vraiment avec ceux du Canadien en premier. Le Canadien qui obtient Mike Weaver des Panthers de la Floride compte un choix de 5e ronde en 2015. Et c'est donc notre deuxième défenseur droitier du Canadien après Subban. C'est pour ça qu'on l'a pris. Mike Weaver, 5 pieds 10, 180 livres, 35 ans. Ben, c'est un bouillon droitier. C'est un bouillon droitier. Fait qu'un droitier, petit joueur mais moins en fin de carrière. Bouillon, ouais, il n'a pas l'air aussi fort, mais pareil qu'il joue gros. Whatever that Est-ce means. Qu'on a vu ça à date? Ou... Mais 35 ans. Il a joué une game. Là. Mais il n'a pas coûté cher, par exemple. Ouais, un choix de 5e ronde en 2015. Non, c'est ça. Bon, sa meilleure saison. Oh, il y a des stats ici. Bon, attends un peu, là. Tu parles d'un défenseur défensif. Oh, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous dire. Là. Mais les plus moins. Là, oh, ouais. Toi, tu as collé. C'est un peu. Il y a préparé là, ici. Là. J'ai. Bon, sa meilleure saison, c'est en 2011-2012 avec les Panthers. Il a 16 points, avec 0 but, 16 passes. Fini la saison avec moins 2. Je regarde le reste. Là. Il a joué combien de games? Il a joué 82 games. 82 Holy games. Shit, il a joué toute la saison. Au moins, il est solide. C'est ben, moins 2, il a 82 games qui a juste 16 points. Ouais, c'est moins 2, là, à 4... avec les Panthers, avec les c'est Panthers, pas c'est quand même possible. C'est quand même bon. En quelle année, c'est ça? Pas mauvais. C'est en 2011-2012. Okay, sa meilleure saison côté plus ou moins, là, c'est en 2009-2010, il finit avec plus 10. Mais combien de games? Avec qui? 77 games. Avec qui? Quand même bon. Avec les Blues. Bon. Quand même pas mauvais. Ouais. Un joueur qui se il a fait 10 points de ce que je peux voir. Là. Il a fait 10 points, oui. Bon, mais dans les, mettons, dans les 3 dernières saisons, il n'a pas fini avec un différentiel positif. Total dans la carrière, tu l'as-tu, non? Moins 19. Ouais. Moins 19, mais cette saison avec les Panthers, il était déjà à moins 9. Puis avec le Canadien, il est déjà à moins 1. Ouais. Ouais. Ouais, mais là, ouais, il a joué un match adaptation. C'est des chiffres, c'est des chiffres, c'est des chiffres. Ouais, c'est ça. Système de jeu, tout, là. Ouais, c'est ça. Pas pareil. On lance des mots, système de jeu. Il n'y a pas Luongo. Système de jeu. Excuse, excuse. Système de jeu, adaptation. Conciliabule. Excuse. Escarmouche, let's go. Oh, ouais. Fait que, bon, ben. La fatigue. Mike Weaver, est-ce que je dois dire sur le cas de Weaver? Ouais, écoute, je vous dis, c'est pourquoi qu'on est échangé. C'est un défenseur. Oui. Ben, c'est non, parce que vu qu'on a échangé Diaz, vu qu'on avait échangé Diaz, on avait juste Subban droitier. Ouais, c'est pour patcher la droite de Diaz. C'est que ça sert juste à ça. On a-tu son contrat? Ben oui, c'est quoi son... Non, moi je l'ai pas. Non, il va tu veux savoir c'est comment il vaut? Non, mais combien de temps on l'a au moins? C'est pour un an, il est UFA puis il gagne 1.1. Dave, bon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour les gens qui nous écoutent qu'est-ce que UFA? Unrestricted Free Agent. En français, s'il vous plaît. Ça veut dire agent libre sans restriction. C'est voilà. Ça. Alors, tout a été dit, voilà! Si on dit RFA, ben c'est Restricted Free Agent, donc comme Subban va être à la fin d'année. Subban va être donc, le Canadien a le choix d'offrir en premier le contrat. Peu, si, mettons, il y a une autre équipe qui offre un contrat à Subban, tu peux égaliser. T'as le droit d'égaliser. Faut que t'égalises, sinon tu le perds. C'est ça, tu peux égaliser, ouais, sinon tu le laisses. Vous dites la même chose, les gars. Ouais, c'est à peu près ça. Ça arrive souvent, ce qu'on s'estime pour dire à ma femme, moi et Dave. C'est juste le wording. C'est parce que t'aimes tellement ça. Je cherche n'importe quelle excuse. Prochain trade pour le Canadien. No excuses. Dominic. Ouais. Same thing. C'est un grand gars, 6 pieds 6. Ouais. Ben, il est grand. Ben, plus grand que Tokarski, en tout cas. Tokarski, ben là, c'est la même affaire. C'est si Boudaï, là, présentement, vu Price pas là, si Boudaï se blesserait, qu'est-ce qu'on blessait? Fait? Ouais, c'est ça. On a un prof dans corrige la salle. De français, ici. T'es un prof des trucs, t'es pas de t'en crisser du français. Fait que si Boudaï se blesserait, ben... Ça prendrait quelqu'un qui a au moins joué une coupe de game dans la NHL. On aurait soit Robert Meyer ou Robert Meyer ou. Il est encore là, lui. Tokarski. Il est encore là, ouais. Tokarski. Fait que non, il fallait aller chercher un goaler. On n'a pas joué. T'es qu'un Tokar! C'est pour des considérations futures. What the fuck that means? Ouais. C'est quoi ça que ça veut dire? Considérations futures? Qu'est-ce qu'on. Il donne-tu l'argent? Prochaine fois qu'on va, je t'emmène luncher. Ouais, c'est ça. Je te paye. Je te paye les clubs dans la wesh. Je te paye le hot dog au Centre Bell la prochaine fois. Ça se peut, je t'amène à la cage la prochaine game. Ouais, ça, c'est comme considération future. Ok, whatever. Ça n'a rien coûté, man. On ne sait pas que ça va coûter. Fait que Dubnyk ou Tokarski, que tu mets en backup de... De Boudaï? De Boudaï, ouais. Ben, Tokarski, quand même, pour l'instant. Malgré son style weird de petit gars. Moi, de... si Dubnyk joue un peu, j'amènerais peut-être Dubnyk parce que... Ouais, moi, je mettrais plus, Dubnyk. Plus grand et plus d'expérience dans la ligue, par exemple. Il y a plus de confiance. Ouais, mais plus d'expérience dans la ligue. Ben, plus d'expérience. Mais bien, il est bien vraiment, il est pas très bon. Hein. C'est vraiment dans la coupe d'urgence. Non, mais tu sais, Tokarski, man. Il a gagné contre la meilleure équipe de la NHL. Oui. D'après ça, on a perdu contre la paix, quasiment. Là, on a perdu contre un club qui se battait pour une place en série. Ben, les Coyotes. La paix. Hey, d'ailleurs, je voulais dire ça, side note sur les Coyotes de Phoenix. L'hostie de cri de loup dans l'aréna, c'est-tu obligé là, à chaque 10 secondes? Ben oui. Calisse! Il faut bien que les 200 personnes qui sont là, il faut bien qu'ils l'entendent. Non, mais c'était plein. En principe, ça devrait être... Parce que le Canadien était là, nous autres, on remplit les arénas. Hey, le clin d'œil de Patrick Roy pendant qu'on parle. Yeah! Casso! En principe, en passant, c'est sûrement pas un cri de loup, c'est sûrement un cri de coyote. Parce que je m'excuse. Merci, David. C'est les corrections, ce soir. Oui, ben c'est bon. C'est la soirée des corrections. C'est les coyotes de Phoenix, tu sais. J'avais même pas fait le lien, tu sais. Ouais. Fait que, bon. Dernier. Fox, hein. Ben, c'est comme à Columbus, c'est le tir du canon à chaque fois qu'il score. Est-ce que tu donnes de mal, ah, The Fox, s'il vous plaît. Là. Non, mais il y a une autre affaire, comme à Washington. C'est assez fatigant. Pendant la game, moi, il devrait pas avoir le droit de faire ça. Pendant la période creuse cet été, on devrait peut-être faire un épisode spécial sur les arénas de hockey à la Ligue nationale, puis tous les trucs qu'ils font bizarres. Pis... Ouais. Ben Columbus, c'est ça, c'est le canon, mais quand ils scorent, ça c'est cool. Puis nous ouais. autres, qu'est-ce qu'on a à Montréal? On a Diane Bibo qui joue de l'or. Non, c'est plus ça. Je sais. Ah, Diane Bibo qui m'a donné des cours de piano quand j'étais jeune. Ouais. Ouais. Ah ouais, t'as connaissé. Ouais, c'est une petite crise de fou. Well, you're special. T'es invité à. Diane Bibo, t'es tellement pas invité à la soirée du podcast. Tu veux rien savoir de l'or. Imagine si elle nous faisait une petite tune live. Ah, ce serait écœurant. Ah, t'étais invité à la soirée du podcast. Si tu penses qu'Alex parle aigu, là. Parce que Diane Bibo, c'est une coche à part. Ah, oh, c'est ça. Akiri, est-ce qu'elle hurle? De même, c'est épouvantable. Je rappelle à tout le monde qui nous écoute qu'on n'a pas le compresseur ce soir pour bloquer les cris aigus. Mais allez voir si ça a piqué. Oui. Énormément. Moi, c'était pas dans le micro. Fait que dernier. ça va gricher. Puis ben, pour le Canadien, dernier échange, Marc Bergevin qui sort un lapin de son chapeau pendant qu'il est en train d'être en deuil de sa belle-mère. Thomas Vanek qui s'amène avec le Canadien de Montréal. Le catch of the day. Ouais, ben c'était le catch of the day pour vrai. Ah ouais. C'était le joueur ben, le, monde, le plus convoité. On se demandait où il allait aller. Le monde était insulté. Tu sais, le monde des Islanders, c'était comme what the fuck. Même le monde sur Internet, c'est comme man, pour le c'est vraiment un trade weird. Comment ça que vous avez réussi à l'avoir pour aussi peu? J'ai vu une photo sur Internet de Gard Snow avec une quote en dessous marquée I have no idea what I'm doing. Ouais, ouais. Hey, juste vite fait là. Vanek, 646 games. 541 points plus 32. Mmh. Alors, probablement un des plus gros joueurs qu'on a obtenu depuis Kovalev, je pense. Tout à toutes les stats. Ouais, pendant 4 saisons, il a fait 30 buts, 2 saisons de 40 buts. Il y a 2 saisons 25, de 40 43, buts. 43, 36, 40, 28, 32. Sa meilleure saison en 2006-2007, 43 buts, 41 passes, 84 points plus 47. Plus 47. Après ça. Avec les sables. Ouais, avec les sables. Après ça, sa deuxième meilleure saison, c'est en 2010-2011 avec 32 buts, 41 passes, 73 points. Plus 2. Puis après ça, c'est ça. C'était pas mal ses deux meilleures saisons, mais il a fini en 2008-2009, 64 points, 40 buts. Ouais, mais attends un peu là. Juste... Un autre 40 buts. Combien là, de 30 buts 30 buts 1, 2, 3, 4. 4 fois. C'est 4 et 2. Puis il y a des 28 même, puis des 26. Ouais, non, puis là, c'est un gros joueur là. Cette année. Quand même. Hey, en 2000, plus 47, c'est solide. Hein? Wow. Plus 47, quand même. Là, belle saison. Cette année, il y a 53 points en 61 matchs. C'est le meilleur scoreur du Canadien. C'est le meilleur scoreur du Canadien. Par 10 points. Là. Ouais. Fait que, il est en voie de connaître une de ses bonnes saisons. Probablement dans j'ai hâte de voir ce qu'il va ça faire avec le Canadien. Ben, justement, je voulais en parler de ça. Ben avant, juste, qu'est-ce qu'on a échangé tu justement? Tu vas-tu m'arrêter à chaque fois, je suis dans un élan de... C'est parce que vous sautez les étapes, le plan de match. Vous pouvez pas faire ça, les gars. Ben, Chris, c'est double tap it. Ben, tu vois, le plan de match, là, même, si on peut pas tout arrêter. Tu t'arrêtes pas, quoi. Non, Alex, tu sais pas comment faire. Ben, j'avais pas baisé assez fort. Là, Alex a touché au soundboard. T'as pas le droit de faire ça. You can do that, man. J'aime ça. Fait que. On a changé contre un. On a changé contre perdu quoi? L'élan, le momentum de Dave. Il était parti sur une flambée. Une flambée, une lancée. Fait comme tu veux. Hey, c'est pas une lancée, dude. This is not fucking baseball! Vous m'ouvrez des portes comme ça pour que je puisse mettre des sons. Mais. Fait qu'il a été changé contre un choix. Conditionnel. Non, un choix de 5e ronde, je crois. Pas conditionnel. Il a été échangé contre. Deuxième ronde. Sébastien Kolberg. Ouais, qui est un espoir pour le Canadien, mais c'est un bon sacrifice à faire, je pense. Les deux choix de repêchage ça, sont conditionnels. On va voir ça dans 5 ans, si c'est un bon sacrifice. Il faut faire série, qui est quasiment assuré. Ok, ouais. Ok, ben c'est ça. C'est choix de deuxième ronde 2014, puis contre un choix de 5e ronde en 2014, puis Thomas Vanek. Puis Stephen Kolberg. Mais les choix de repêchage, c'est conditionnel. Ouais. Si on fait série. Ce qui est quasiment sûr. Bon, on va les faire. Il faudrait vraiment que ce soit une fin de saison à 3. Sébastien Kolberg, qui est un genre droitier, un attaquant droitier de 5 pieds. Quoi 10, ben, il y a quoi il y a 3 genre... buts, 6 passes, 6 passes. Il n'y a vraiment pas 20 points. Puis, regarde, on ne sait jamais si ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale. Fait, je pense que c'est man pour le vrai. C'était pas cher. C'est fucking steal. C'est vraiment le seule affaire qui me fait chier, c'est que, tu sais, Vanek, Ben, ça me fait chier. Enfin, en même temps, on s'en calisse. Ben, c'est parce qu'il est incertain. C'est un empereur, là. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Ben, c'est ça, il est agent libre. Ben, il est agent libre. Il n'y a pas de restriction à la fin de la saison. C'est ça, il signe ailleurs. UFA à la fin de la saison. Fait que s'il s'en va. Est-ce qu'il va faire un Kovalev de lui-même? Va aimer la ville? Va vouloir rester? Je l'espère. Ben, après que t'aies joué pour les Sabres, après que t'aies joué pour les Islanders, laisse-moi dire que les Canadiens, man, là, tu joues pour une vraie équipe de hockey. Il va faire une série la première fois en quoi, 5-6 ans? Ouais, depuis que je joue. Électrisant à jouer à Montréal pour la les dernière fans. Fois c'est pas juste ça, c'est 2009, c'est une équipe qui fait 2010, oui les playoffs 2011 avec les Sabres, il a fait les séries. C'est pas juste ça, c'est tout ce qui est autour des joueurs, le centre d'entraînement au Centre Bell. C'est ça, Guillaume La Tendresse disait, il dit, nous autres là, 20 matchs, c'est du filet mignon aussi, tu as tout ce que tu veux là. Puis il disait, c'était, il y avait un journaliste dans la chambre pendant le match des étoiles là, le centième. Même si Zeno Chara, il dit « It's a fucking amazing ». On a tout ce qu'on veut. « It's a fucking amazing ». It's a fucking amazing. It's a fucking amazing, man. Mais il paraît que tous les joueurs des autres équipes, man, t'es impressionné. Il paraît que quand tu montes dans le couloir, là, tu vois tout ce qu'il y a pour les joueurs. C'est vraiment pas pareil comme jouer à Islanders. Pareil, Islanders, c'est les pays. Là. Le clubhouse, puis tout, tu sais, la chambre des joueurs, puis t'as rien. Mais tu sais, pareil, pauvre fan. Ça existe-tu des fans des Islanders? Non, mais t'as les Islanders puis t'as les Rangers juste à côté. Ça existe-tu ça des fans des Islanders? Pas voir les autres. Ça existe. Ils se font. C'est tout des clubs de merde. Sont-tu mauvais un peu? Ça fait 15 ans qu'ils sont mauvais. Quel club que ça va nulle part? Comment ça peut être mal géré comme ça? Cette équipe-là, ça n'a aucun sens. Mais le propriétaire, là, c'est parce que c'est. Change ta voix, man. Je sais. C'est effrayant. T'aimes pas ça? Non. Je me serrer en crise à côté de toi. C'est parce que le propriétaire, pour le vrai, c'est pas un gars de hockey, man, que ce style d'équipe-là. Man. Puis Gord Snow, man, come on. Là, c'est vraiment mauvais. Là. T'as changé Matt Molson contre Vanek, puis t'as perdu Vanek. Ouais, t'es même plus bon joueur, t'es resté à Varese. Qui est blessé. Ouais, sauf que c'était clair dans la tête de Vanek qui restait pas avec les Islanders. Ouais, ben, tu sais, quand il refusait l'offre, c'est sûr, man, tu veux pas jouer là. Non. Personne ne veut jouer là. Ouais, pour le vrai, il y a John Tavares. Combien de lui a fait quand même? Ouais, parce qu'il était pêché. Ouais, mais là, il n'a pas joué. Il est le big star quand t'es là. Combien de temps il va rester là, Tavares, encore? Jusqu'à la fin de son contrat. Mais sur Mick, c'est ça. Mick peut se donner à Jean Libre sans rester. À moins qu'il convainque à dire, t'es la star de l'équipe, t'es l'image de l'équipe, puis t'es toujours la star. Il faudrait qu'il lui dise, on va bâtir autour de toi, puis ça n'a pas l'air d'être ceux qui font pendant tout. Ils sont en train de décrisser une équipe qui est déjà à terre. Tu peux enlever ce club-là, puis ça fait aucune différence. C'est vraiment cette année, c'est mauvais. L'année passée, il était pas si pire. Ouais, l'autre année d'avant. Ouais, là. Ça fait des années qu'ils sont pas très bons. Ben non, je le sais, mais au moins, ils ont fait les séries là, pas si longtemps que ça. Non, ils étaient pas sûr. Puis s'ils ont fait la fois qu'ils ont fait les séries, ils sont fait éliminer tout de suite contre Pittsburgh, me semble. L'année passée, ils ont fait ça. Des séries quand même. Ben, pendant que Dave cherche ça sur la dernière fois que les ils ont fait l'année passée. Ah, avec Pittsburgh, ils ont fait avec 55 points, ils l'ont fait. Mais c'était une demi-saison. Ça aurait été dit. Bah, ouais, c'est ça, une demi-saison. On a fini deuxième à cause d'une demi-saison. La période est finie. Ben, on va conclure sur le Canadien en disant qu'on a dit tantôt Marc Bergevin. Ok, mais attends, là, on parlera plus après de ça. Là. Ben oui. On va parler des échanges de Around the NHL. C'est parce que moi, je veux qu'on parle de Vanek. On peut revenir sur Vanek si tu veux. Mais je voulais juste dire que. On l'a dit tantôt, Bergevin était. À salon funéraire à partir de 2h quand le trade de Vanek a été fait. Qui a fait le trade? C'est-tu Bergevin qui était en train de prier? C'est le corps. Non, mais il avait déjà contacté sur... Il était en train de prier, tu sais. Il prenait des photos, des selfies avec le corps à côté. J'ai tradé Vanek! En train de prier sur le cercueil avec son cellulaire dans les mains. Je vais te donner tant de millions, viens donc à Montréal. Merci, bel moment! Comme dans les boys, il échappe son téléphone dans le cercueil et il va le chercher quand ça sonne, tu sais. C'est comme un mauvais théâtre de film. Comme... Je sais pas c'est quoi. C'était bon. Excusez, il faut que je le pointe, c'est Vanek. Là. Non, mais il avait fait un offre avant. Puis, probablement. C'est fait à l'avance. Là, puis après ça, ses adjoints peuvent prendre le. Ça a l'air que Vanek a appris à la télévision qu'il a été échangé au Canadien. Ouais. Wow. Ça, c'est fucké. C'est très professionnel. C'est vraiment weird. Là. C'est tellement dégueulasse. C'est-tu les Islanders? C'est son agent. Hey, non, mais son agent, c'est quoi? What the fuck, tu signes? Chris a averti ton gars qui. Non, paye, mais le DG, une fois qu'il a fait la transaction, il faut qu'il envoie les papiers à NHL. C'est pour ça qu'il y a tellement de trucs qui sortent genre une demi-heure plus tard. Oh, ouais. Ça prend du temps. T'as le temps d'appeler ton joueur. C'est quoi ça? Mais c'est Gord Snow. Surtout que le trade de Vanek est venu après 3h. Ben, on l'a su après. Ça a été donné à 2h45. Ça a été à la fin, ça veut dire. Vanek a aussi dit deux. Ben, c'est pas l'agent là-dedans, hein. C'est juste le DG. L'agent n'a rien à dire. Vanek a dit deux agents aussi par rapport à son trade. Après ça, il faut que Gartner appelle l'agent et appelle le joueur, mais l'agent, il n'y a pas d'affaire à dire oui ou non. Là. Ouais, il n'y a pas de no-trade clause. Fait que, ouais. Il pouvait être tradé n'importe où. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est Garceau, il est très professionnel. T'sais. Fait que genre, j'apprends pas personne. Check la télé. Il fait pas une sieste après. Il envoie juste un lien pour RDS. Ouais, il y a un tweet à François Gagnon, puis c'est tout. C'est ça. Pas checker ça, man. Fait que Vanek a dit qu'il était demandé l'approbation de sa femme avant pour savoir s'il pouvait jouer à Montréal, apparemment. Là, mais ça, c'est le gag probablement que les joueurs font tout le temps. Là. Oh, je pense pas qu'il joue. Mais je non, ben ouais, non, mais c'est son gag. Mais il a aussi déclaré. Il a dit, je pense pas qu'elle a le choix avec l'argent qu'il fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Là. Il a aussi dit never say never about being traded to Montreal. Mm. Vanek. Fait que jamais je vais aller à Montréal. Je vous laisse sur ces sages paroles. Attends, j'ai viens de checker la game, puis il y a une annonce de McDonald's. Mais, avec la pizza. Ben, rappelez-vous de ça, la pizza. Ouais, c'était bon. Ça a été retiré. Mais ça a été retiré parce que ça prenait 8 minutes à cuire, ça a l'air. Fait que ouais, c'était trop long pour du McDo. C'est vrai que c'était long. La pizza, fait que les deux, c'était marqué pizza avec des M de McDo. C'est ça, avec deux M de McDo font les Z. Et présentement, c'est 3-1 pour le Canadien contre les Kings en finale de la Coupe Stanley. En deuxième période. Je me demande si le Canadien va gagner. Oh, mais tout. Genre de voir. Fait que ça, je peux qu'on célèbre à soir. Oh mon dieu. Sabrons le champagne, sabrons les bières. Sabrons la bière, si moi, ça a une petite bière. Il y a une pub de Black Ice. Ouais, yam. Ça nous rajeunit pas tout ça. Non. Ouais, tant qu'on en buvait pas, là. Ouais, c'est ça. Sur ça, on va aller faire quand deuxième entrée. 5 ans, là. On va revenir pour la troisième période. Nous sommes de retour pour la troisième période. Oui. Dans un excellent français, comme Alex disait. On revient sur le cas de Vanek, là. Dave, vous voulez parler de Vanek? Ouais. Vous voulez parler de Vanek? Mark est sage. Mark est sage. Il est sur la chat room sur le live. Mm-hmm. Puis il nous a dit le commentaire suivant. Il dit ouais, mais Vanek, c'est le joueur le plus excitant que l'on a eu depuis Kovalev. Est-ce qu'il va jouer podcast à un moment donné? Et c'est vrai. Il va te faire pousser les cheveux. C'est vrai, Chris. Hey, mets-toi tes affaires, t'es pas ici, toi. Je suis d'accord avec lui, par mais exemple. Mais oui, c'est ça que je disais d'ailleurs, c'est le plus gros trade, la plus grosse vedette depuis Kovalev. Ben, c'est depuis 1900. Ouais, mais Kovalev, mais tout, là. Des il joueurs, veut qu'on parle de Tortorella. 1993. Ouais, il veut qu'on parle de Tortorella. Il veut qu'on parle de je sais pas qu'est-ce qu'on dit. Ah, mais tu sais, on a eu un joueur excitant qui a été dégueulasse, comme Camilleri. Excitant, non, man. Pas le meilleur. C'était le meilleur. Il est moins bon, mais il a déjà fait des saisons de 40 buts. Ouais, mais il était pas flamboyant. Ouais, mais c'est pas. Ah, allez chier, c'est des statistiques aussi, là. Non, mais tu peux pas faire parler les statistiques tout le temps. Non, mais je dis, lui, c'est quand il arrive dans une équipe, c'est le meilleur joueur. On parle de joueur excitant. On parle de joueur excitant. Je me fais l'avocat du diable. Ben, avec Eginla, il a fait 40 buts. Ouais, c'est clair. Mais c'est Vanek, ça, c'est là, c'est le meilleur avec... joueur. C'est le joueur d'équipe. Vanek, ils a pas fait avec Giunta sûrement. Ben non, ils ont fait tout seul. Justement, c'est de ça que je veux parler, man. Moi, là, j'ai vu de quoi aujourd'hui. Je vais donner ma source, OK? Je l'ai vu sur le site DLC, dans les coulisses.com. Puis, j'ai pas haï l'idée. Ils sont bons, eux autres. Ouais. Ils disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi Vanek était avec Giunta puis Plekanec. Parce que Plekanec puis Giunta ont plus un rôle de neutraliser les gros joueurs. Puis Chris, c'est vrai. Mm-hmm. Moi, je le verrais tellement jouer avec Brière puis Galchenyuk. Puis si ça marche pas, ben trouve au Chris Heller. Là, c'est quand même un bon ami à Brière. En plus, ils se connaissent bien, c'est les gars. Puis tu sais, Brière, dans les dernières games, honnêtement, il va quand même pas si mal. Là. Si on peut pas dire qu'il est mauvais. Pas trop chialé. Chris, Brière, il a quand même... Ah, mais ça veut dire que tu mets Plaqui sa deuxième, troisième ligne? Ou tu montes Brière sa deuxième? Ben... Peu importe, on s'en calisse parce que le numéro de la ligne, il est pas important. Mm-hmm. C'est la quantité de minutes que tu vas jouer dans ton match. Puis Vanek a joué 15 minutes la dernière game. Ouais, mais faut commencer. Je m'excuse là, mais il jouera pas plus de minutes ben sur un trio avec Galchenyuk puis Brière. Ouais, ou tu avec peux pas le faire jouer 25 minutes la première game avec le nouveau système de non, jeu. Non, c'est clair. Mais même à ça, je pense pas qu'il va jouer. Puis il peut jouer en avantage numérique avec d'autres joueurs, c'est pas grave. Mais sa ligne. Je me calisse du numéro. Je pense que ça serait un meilleur match qu'avec Giunta puis Plekanec. Ben non, moi je mettrais Plekanec. Avec Vanek puis Galchenyuk. Ouais. Ça serait une autre tu bonne descends Giunta, ça à 3. Ouais. Parce que pour le Brière, si tu le mets là, faut sûrement qu'il soit ça à 2. Puis tu veux-tu vraiment puis toutes les lâche-moi le numéro de la ligne. Si je le mettrais avec Plekanec, Vanek, la seule affaire qui est plate quand tu vas Plekanec, c'est man. Tu prends toutes trio les trio 1, trio 2. T'as 2. Non mais avec Plekanec, c'est Plekanec qui prend toutes les face-offs dans la zone défensive. Ouais. Fait qu'à chaque fois Vanek, faut qu'il parte du fond de la zone, peut perdre du temps, faut que Plekanec gagne la mise pour aller tout de suite en zone offensive. C'est juste ça qui est plate pour lui quand je joue avec Plekanec. Parce que t'es pris au début dans ta zone, pour après ça aller en attaque, puis souvent c'est à la fin de ton chiffre. Fait qu'il n'y a pas même temps. C'est pas comme le Desharnais que lui, dans les zones offensives, il va prendre les mises au jeu en zone offensive. Quand t'es en situation défensive, il envoie tout le temps play connect. Ouais, à la place de mettre un 3, c'est aligné même un 2. Ouais. C'est pour ça que je te dis que ça ferait un bon match, puis on se calisse du numéro de la ligne. Je pense que ça ferait un meilleur match, puis tu vas trouver meilleur à mettre avec Plekanec puis Gianta que de mettre genre Vanek dans un rôle plus défensif ça, hein? Qui va neutraliser les gros joueurs. Tu sais, t'envoies pas le trio de Vanek avec le trio de Crosby, mais tu vas envoyer le trio de Plekanec par exemple avec le trio de Crosby. Ah, ben ça, fait que ça marche pas de mettre Vanek dans le trio de numéro 3. Faut que le trio numéro 3, ben 3, okay, on va donner les chiffres, je m'en fous là, qui ouais. Est là, mais faut que le 3 soit pas. Défensif, les deux premiers faut qu'ils soient offensifs. Donc Plekanec, mais faudrait Plekanec si on a une mission défensive. Mais il devrait donner la mission défensive à Daniel Brière. Hey man, on s'entend-tu? Il est meilleur, c'est mis au jeu, Daniel Brière. Bon, donne-lui la mission défensive, mets Plekanec à l'attaque. Mais Brière, il est un peu plus fiable en défense. Ouais, puis plus gros un petit peu. Mais il gagne les mises au jeu, Brière. Il gagne bien les mises au jeu. Brière, là, il plaque jamais. Plekanec, c'est pas rare qu'il y a 2-3 mises en échec par game. T'sais, même si c'est pas le joueur le plus. 4 mises en échec la dernière game. C'est ça, tu sais. Le gars qui a le plus de mises en échec. Il est quand même. Il est pas physique, mais c'est pas un gars qui se laisse faire. Puis il est quand même défensif, il est présent. Donne-lui un rôle un peu plus offensif avec Vanek. Ça va bien marcher. Oui, je dis pas que ça marcherait pas, mais je pense qu'il est meilleur en défensive que Brière pourrait l'être. Parce que tu veux pas, là, on a beau dire là, qu'il n'y a pas de numéro de ligue, mais. Oui, je comprends ton c'est point. C'est pas les numéros, mais... c'est le temps de jeu, dans le fond. Hey, on s'entend-tu qu'un troisième trio avec Plekanec au centre, là, tabarnak, tu veux ça dans ton équipe là? Ouais, mais il y a moins de temps de jeu. Je veux pas si ça joue avec le temps de jeu. Ben c'est même qu'on décide les numéros. Ouais, mais c'est pas grave. Si on fait plus de points, on fait plus de points. Hein. Il va avoir du temps de jeu ça pareil parce que tu vas le faire jouer contre les meilleurs trios de la ligue. Puis les meilleurs trios de la ligue ont du temps de jeu. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu mets pas Plekanec, tu le fais jouer contre les meilleurs temps de jeu. Tu fais jouer contre le quatrième, man. Non, mais si tu fais jouer Plekanec contre tes meilleurs trios de l'autre équipe adverse, puis eux autres, ils ont beaucoup de temps de jeu, ça veut dire Plekanec a beaucoup de temps de jeu, ça veut dire que Vanek, sa deuxième, en a moins. Pas nécessairement. Ben, je vais me dire, s'ils jouent en même temps que les plus grosses lignes de l'autre bord, ça veut dire que t'as plus de temps de jeu par défaut. C'est déjà ça. Ben, non, mais c'est pour ça que je te dis, fais abstraction des numéros de ligne. Tu vas pouvoir faire jouer quand même. Hey, on s'entend-tu que si tu enlèves du temps de glace à d'autres joueurs, tu peux faire jouer plus ces joueurs-là quand même. Là. Oui. Mais mettons là. Mais si tu donnes des rôles comme. Mettons que je t'écoute, là, tu dis, mettons, ok, on garde Plekanec avec Vanek. Mm-hmm. Toi, tu garderais ça. Oui, comme Kovalev, Plekanec. Ils l'ont fait, ça. Fait que tu dis que Plekanec est un joueur plus défensif que offensif. Non, il était avec Kovalev, ça marchait. Pourquoi tu vas chercher un joueur qui score 40 buts dans une saison et tu crées ça sur un trio défensif? C'est ça ben que je comprends pas. Moi non plus, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, enlève Gianta, mets un autre allié offensif puis dis à Plekanec de jouer. Ça revient au même affaire de dire comme, ah mais là, tu mets ton capitaine sur la troisième ligne. Oui, absolument. Ah, ouais, là, Gianta, je ne signe pas à la fin de l'année, puis tu vas peut-être avoir du temps de glace réduit. Ouais, là, pourquoi je te mets sur le deuxième? Je ne signe pas à la fin de l'année. Là. Je ne signe pas à la fin de l'année. À la fin de l'année, on ne leur signe pas. Elle veut pas. Pourquoi que d'abord, quoi, c'est quoi? Là, j'y fais, pourquoi je fais jouer 20 minutes? Là? En tout cas, là, moi, je pense que ça ferait un meilleur match avec. Peu importe que tu mettes qui, si tu lui donnes une mission défensive. Tu peux pas mettre Vanek sur un trio défensif, ça marche pas. Tu dises à Plekanec, ça attaque plus. Comme quand tu jouais avec Kovalev. Mais là, présentement, on l'a vu jouer une game, puis c'était pas une game. Un des bons joueurs défensifs. Puis on va passer à quelque chose d'autre parce qu'on l'a pas vu jouer. Fait que là, le temps nous le dira, mais on va voir qu'est-ce que ça va. Il y a juste une game et tout. Avec une game. Pourquoi tu ne l'as pas vu jouer qui, ça? Non, on l'a vu jouer une game, Vanek. Ah, ok, mais non, mais de toute façon, décalage, mon gars. Pas décalage, mais tout le transport qu'il a fait. Non, mais c'est ça. Puis il a joué 15 minutes, puis c'est nouveau système de jeu. Non, c'est ça. On va laisser la chance. Adaptation, système de jeu. Prochain podcast, on pourra plus reparler de Vanek, de son utilisation, puis des mots par rapport à les termes d'hockey. Trio vont changer. Adaptation. On a fini avec les Canadiens, fait qu'on passe vraiment aux échanges système de jeu. À la Ligue nationale. Oh yeah, les gars, tabarnak, j'essaie de passer à autre chose. Hey, le DG des Canucks qui a fait son point de presse sur un terrain de golf à la date limite des transactions. Les fans devaient être vraiment contents de voir à quel point ils prenaient ça au sérieux de faire les comment échanges. Détruire une équipe? Ouais, mais tabarnak, t'as torturé là dans ton équipe. Là. Non, hey, tu laisses partir le Wango. Il y a plus que ça. Y a, ils veulent pas jouer pour Tortorella, man. Je suis sûr, man. Avant ça, Luongo va se faire changer. Peut-être, man. Mais moi, j'ai entendu dire que... C'est 4-1 Montréal. C'est qui récemment, dans justement, ils ont perdu récemment les Canucks, puis il y a un joueur comme important des Canucks qui a déclaré que c'était une joke, là, une vraie joke. Ben, c'est Kessler. Pas Kessler. Kessler a tweeté... C'est pas Bexia? Bexia? Bexia, peut-être. En tout cas, c'est un joueur quand même important, peu importe. Bexia? Plexiglas. Plexiglas? Bexia. Mais c'est quoi? Mais Kessler a tweeté Luongo en disant « I told you so ». Ouais, puis qu'est-ce que Luongo a tweeté aujourd'hui? Luongo, hier, il a tweeté les Canucks sont fait planter 6-1 hier. Puis il a tweeté deux fois dans ce soir. Il a lancé une flèche. Ah, il était désagréable. Il a fait genre, ok, si j'avais été là, ça aurait pas été de même. Puis c'est comme, t'as, il y a le style Wongo là. Ouais. On le Non, mais sérieusement. Ah, mais ouais. Non, mais il est haï. Ouais. Ben, il est haï McGillis, il est haï le coach. Il le coach, man, je suis sûr que plein de monde a haï ce torteur-là. Man, il est n'importe quoi, ce gars-là, man. Je l'haï, man. Ben, c'est vraiment un coach dépassé, je pense, par la nouvelle façon de jouer. Il est dégueulasse. Il a gagné une coupe en 2004. Ah ouais. Il marche avec des vieilles méthodes de hockey de merde, man. Il paraît que c'est un vieux coach avec des vieilles méthodes. Il y a l'air de ça. Il y a une face de gars qui crie tout le temps, man. Tortellini, man. J'ai que ça passe, c'est-tu. Non, mais il y a des joueurs, c'est que en arrière du banc. En arrière du banc, il crie sans arrêt. Il crie sans arrêt en arrière du banc. Il gueule tout le temps, man. Puis il y a une face. En tout cas, Mike Gillis, pour le vrai, je pense que c'est le directeur qui s'est le plus planté avec une équipe qui était supposé gagner la Coupe cette année. Tu t'es le plus planté. Tortellini, là, c'est le genre de gars que tu y mets à mâchoire sur un bord de chaîne de trottoir. Man. Ah, des belles paroles comme ça, là. C'est beau. C'est comme dans American History X, justement. Ouais, je cherchais le titre du film, là. Ah, ouais. Dave. Bonne scène. Tu sais lui ramener ça, tu sais. This is not fucking baseball! Violence. Violence au hockey. Mais il y a deux. Il y a lui. Il y a le... Lui, c'est un DG qui s'est fait vraiment crédité. Crédité. Il y a une marge de crédit assez élevée. Il s'est fait créditer sur Gar Snow man, parce qu'il a changé le Wongo. Gar Snow et tout, c'est vraiment critiqué. Iserman, pour le reste, avez-vous son point de presse? That was fucked up. Il était comme, I don't know if that's a good trade. Time will tell. C'est comme, man, tu voulais vraiment pas le faire. Steve Iserman, quand il pose des questions, parce que Martin Saint-Louis. Ouais. Okay. J'imagine que c'est un autre point qui s'en vient. Ouais, mais là, on va faire un peu le tour des échanges, des gros échanges qu'il y a eu dans la ligue. C'est un gros, ça? Ouais, ouais, justement, mais c'est parce que je pense que c'est Dave qui a fait ça. Moi, je veux qu'on parte un petit peu plus loin que ça. OK. Non. OK, oui. Non. Ben, Alex, regarde, tu vas me suivre, puis tu vas fermer ta gueule parce qu'on va partir là. J'ai pas suivi. OK, on va partir au 28 février. Sacrement. Tabarde. Attends un peu, non, mais c'est parce que c'est un trade important, là. Les Sabres ont échangé à Saint-Louis Yaroslav Halak, Chris Stewart, William Carrier. Qui est un espoir québécois. Puis un choix de première ronde en 2015. Contre 2015, et un choix de troisième ronde en 2016. Ouais. Ouais. J'ai pas ça. Moi, j'avais ça. Ah oh, oui, t'as raison, il est là, je l'avais pas vu. C'est-tu que je suis prêt? Et ils ont obtenu pour ça Ryan Miller et Steve Ott. Donc, les Blues. Steve là, Ott. Ouais. C'est Ott. Steve Ott. Il n'y a pas de S à Ott. Steve Ott. Steve Ott. Ott. Steve Ott. Soirée des corrections. On se corrige tout. Non, c'est pas crédité, c'est critiqué. Fait que. C'est vraiment un prof dans la place. Qui était pas genre le capitaine des. Oui. Non, c'est ça. Ben, à temps partiel. Ok, c'était un il changement. Il faisait la job avec un autre, un autre joueur. Bruce Stafford. Fait que. Alex, au début de la saison, a dit qu'il prenait pour Saint-Louis pour la Coupe Stanley. Yep. Avec Ryan Miller, je te crée. Parce qu'avec Halak, ça aurait pas été la Coupe Stanley. Mais même Miller, parce qu'Halak, là, je vais. Puis Halak, il s'est fait réchanger. Ouais. Puis. Il s'est fait envoyer au Capitals, puis il a dit qu'il était en tabarnak. Il est vraiment, vraiment pas content. Il a dit, pour être honnête, je sais maintenant ce que ressentent les joueurs qui sont échangés. It sucks, qu'il a dit. Halak, c'est un bon. Vas-y. Ben, il dit, tu tentes de bâtir quelque chose avec une équipe et tu veux gagner des matchs pour accéder aux séries et on t'échange durant la saison. C'est vraiment dur à prendre. Je ne sais pas, ça serait. Je ne savais pas que ce serait aussi difficile. Ben, là, j'ai comme traduit, mais j'ai l'audio intégral. Est-ce qu'on l'écoute? Ouais, on l'écoute. You're trying to build something with the team, and you're trying to, you know, get to the playoffs and win the games, and then you get dealt during the season, and that's really hard. I didn't think it was gonna be that hard, but now that I have been traded, I feel, or I know how the guys feel all the time when they get traded, and it sucks. I'm not gonna lie, it's not easy to be traded, but. going from two teams to playing in NHL 4 right now, it's different, but like I say, it's hockey and it's business, so just have to deal with it and try to be professional. C'est presque aussi gros que ce qu'il dit. Hey, I like les bon. Polis qui rote pendant son essai d'entrevue. Voyons. Ça paraît même pas, il commence à parler comme si de rien n'était. C'est bizarre, hein. Quel professionnel, bon. Pareil. Entre deux gorgées de bière, ici, il parle de son échange. Boop. Non, mais pas coupé au mais toi, tu parlais de la Coupe Stanley tantôt, là, que oui, ça serait peut-être une meilleure une bonne acquisition pour gagner la Coupe Stanley. Oui. Parlant d'échange et de Coupe Stanley, les Kings. Bon, ils feront rien, gars. Moi, je pense que les Kings. Gabarit, c'est pas un joueur qui va le faire gagner la Coupe. Je mettrais un 2 piastres, les Kings, Boston. Challenge, aux gens challenge, le bet. Challenge. Moi, je vais dire les Blues, puis toi, je vais dire les Kings. Je vais dire les Kings. 2 piastres. Ouais, j'aime bien cette équipe-là, puis ils se sont vraiment ils pas. Qu'il a besoin de son 2 piastres. Je veux pas parler de ça. Sing, c'est ta vie. Mais. J'ai un crayon dans ma main, je peux pas. Ils se sont pas. C'est quoi l'inverse de renforcé? Affaibli, ben exactement. Ça prend la main un prof. Au moins, j'ai pas dit un estimo inventé. Renforcés se sont déforcés. C'est ça. Alex aurait dit ça. Donc, je sais pas où tu parles. Ça va bien, Ben, ils se sont pas affaiblis avec Gaboric, au contraire. Ouais, mais je veux dire, c'est pas un gars qui te fait gagner la coupe, man, ce gars-là. Comment non, les mais gars? Les gars ont déjà gagné. Les gars ont déjà gagné la coupe sans lui. Ça peut juste les aider. Ouais, à faire a, plus de buts. On a Marc qui nous dit ouais. Gaboric et zéro en série. C'est ça. Ouais, mais les Kings en série, mais c'est que 100%. Ouais, que mais là, c'est pas à cause de lui d'avoir fait. Non, mais ça peut pas durer. En fait, c'est quick, ça dit. Quick en série, c'est la ouais. Poche. Ouais, mais ça, mais l'équipe en tant que tel, c'est tellement une astuce d'équipe. Mais Miller, il a joué à combien de games en série? Il en a pas joué bien. Miller? Ouais. Ben, il a que les sorts, même. Ben, ça, il en a pas joué bien. La dernière fois que les sorts vont gagner. Ouais, mais attends un peu. Alak, là, tout le monde avait compris son style de jeu. Puis ça paraissait. Puis j'ai rien contre Alak, là. Il nous a amené à des niveaux des qu'on. Sommet inégalé. Ben, pour vrai, ça faisait longtemps temps. Qu'on n'avait pas vécu ça. Puis il nous a donné des écœurantes séries en 2010, je pense, dans ce coin-là. Ouais, puis c'était écœurant. Hein. C'était vraiment cool. 2009, whatever. Puis c'était vraiment hot. Puis toutes les équipes ont compris. Ils donnent beaucoup de retours. Puis ils accordent des buts sur des retours souvent. Puis Chris, t'as beau avoir la meilleure. Parce qu'on s'entend que les Blues ont pas mal une des meilleures défensives de la ligue, là. Ben, je pense que les Blues, c'est juste aller savoir que quand je les ai vus jouer contre le Canadien, hein? Les deux games contre le Canadien. De quoi tu parles? Calme gorgé Dave, il est dans toi comprendre. Il est dans sa bulle. moi, je me parle. Dans son monde. Qu'est-ce que tu dis? qu'est-ce que je dis? C'est que des deux matchs que les Blues ont joué contre le Canadien, pour de vrai, je pense que c'est la meilleure équipe que j'ai vu jouer. Il y a Chicago, ok, mais je. C'est meilleur que les Kings. Les Blues sont Kings tellement une équipe gros. De playoffs. Chicago, c'est une équipe de playoffs. Ah, ouais. Mais non, mais je veux dire, Chris, dans la saison, je dis les deux matchs que j'ai vu jouer. L'année passée, Chicago. Chris était de bon premier. Hockey d'un côté. L'année passée, Chicago était premier toute la saison quasiment. Puis ils ont gagné la Coupe parce qu'en série, ils ralentissent pas, sont meilleurs, man. On va voir cette année. Non, on verra cette année. Pour finir sur l'échange d'Alak puis de Ryan Miller, Ryan Mayer. On a de la misère à soir. Hey, ça va bien. Ryan Miller, il a quitté les Sabres dans la journée, fait qu'il manquait un deuxième gardien pour les Sabres. Fait qu'ils ont pris Ryan Vince, le directeur des technologies pour les Sabres. Puis c'est un goaler? Non. Pas en tout. Ah, il aurait jamais été assis. C'est juste qu'il avait besoin d'un gars sur le banc. Mais si le gars il se blesse, qu'est-ce c'est qui se passe? Il aurait dû le faire goaler. Imagine si tu gagnes vraiment par beaucoup. Non, mais tu gagnes par beaucoup. Quand il reste 15 secondes, mets-les à la glace, c'est-tu, là. Non, mais question, mais un taux qui se blesse. Ben, il va voir qu'il joue. Se blesse, là, qu'est-ce que tu penses? Il va voir qu'il joue, là, si l'autre se blesse. Faut imagine, il y a quelque chose qui arrive, c'est comme « fuck, I'm fucked ». C'est comme, il a jamais vu un tir de 27-0. 80 000 à l'heure qui arrive, là, de la pointe, mon gars, c'est comme « fait que vous irez voir sur notre Facebook, on a posté le lien vers l'article. Il était assis sur le banc. Une belle photo, il est tout préparé. Il est assis, mais il a pas l'air à l'aise, ben, le gars. Il a la casquette, puis tout, il est prêt. La coupe est prête. Aussi, hein? Oh, la coupe va se gagner à quelques instants ici dans les studios. Là. Longtemps qu'on l'a pas fait à Montréal. On va-tu avoir droit à la célébration? Oui, ouais, on a mis cette game-là parce que vous savez, avec Vanek, ça sent la coupe. J'aurais dû amener ma petite coupe. Il reste 40 secondes. C'est pas comme si tu l'avais demandé, Dave, en plus, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il fallait que tu me le dises aujourd'hui. Pas genre. Il fallait pas que je le dise hier. En tout cas. Passons à un autre échange. Là. Je vais juste dire les importants selon moi. Là. Dustin Penner est passé au Capitals. Alex Gaboric. Gaboric, meilleure saison, 76 points. Saison. Il me regarde. Je l'ai pas. Il y a des stats. Regarde les petits yeux, 76 ouais. points. 41 buts, 35 passes. Quand même. Non, non, c'est en quelle année, ça? C'est en 2011-2012. Ça fait pas si longtemps. Oh, on a gagné la coupe! Yeah! Yeah! Regardez cette image. C'est bizarre. Pendant que David check, là. Ah, c'est ça. Ouais, mais... trouves-tu, le data? Ouais, je l'ai. Bon, en série, Gaboric, il y a 54 games, 35 points. Quand même pas mauvais. Mm. Quand même. Ça vient de fermer ton clapet. 35 points. En 54 games, pas super. OK. Puis là, on va voir les stats des joueurs des Kings. Il se classe combien dans le joueur des Kings? Non, on s'en crie. Non, on veut parler des échanges. Hey, c'est sûr qu'il va être bon. Les Kings, c'est une équipe de playoff. C'est sûr qu'il va être bon. C'est une grosse aide. Que revenons sur les échanges, s'il vous plaît. Il reste même plus de temps à période. Dustin Penner avec les Capitals. OK, good. Ouais, good. Ensuite, on a eu comme échange... Bon, il y a Bruce Galov qui s'en va au Minnesota. OK, next. Non, attends, il y en a que j'ai des infos supplémentaires. Ça, c'est quoi comme info par rapport à Bruce Galov? Bruce Galov, il est rendu avec le Wild, c'est ça? Ouais. On a gagné la coupe. On a gagné la coupe, ouais. Mais avec le Wild, Bruce Galov a dit à sa première pratique... Oui. It was a way faster pace than he's used to in Edmonton. Fait que la game va pas mal plus vite avec le Wild que Edmonton. Ça a l'air ça, dire ça va pas bien à Edmonton. Hein? C'est un drôle de commentaire. Pratique quand même, tranquillement. Ça veut dire que les gens ils se donnent pas, ils sont à calice. C'est mauvais, ça veut dire. Il y a de la bière dans sa gourde. Peut-être de la vodka. Bon, ouais. Victor Fass, Stéphane Robida qui s'en va avec les Ducks. Mais c'est tout, c'est pas un bon échange qu'ils disent. Hein? Parce que sinon, il paraît que les Ducks ont relâché deux gros gars pour envoyer de l'argent pour aller chercher Vanek, puis ils l'ont perdu, puis ils ont été obligés d'aller chercher Robida. Non, ça se peut. C'est un mauvais trade. C'est comme un trade de last minute. Luongo, qui s'en va avec les Panthers, contre, avec Steve Anthony contre Jacob Markstrom, Sean Matthews. Ils ont plus de goaler, man, Canucks. C'est fini. Martin Erat, qui s'en va avec les Coyotes de Phoenix. Ah, les Coyotes de Phoenix. Whatever. Ryan Callaghan avec Saint-Louis, Alechemski. Ah ben, Ryan Callaghan, c'est lui. Tu passes ça de même? Il y en a qui... Si t'as des infos, tu peux arrêter, Alex, là-dessus. On a juste parlé de la réaction de Steve Yzerman. OK, mais Martin Saint-Louis, Ryan Callaghan compte des choix de première et deuxième ronde, un en 2015. Martin Saint-Louis s'en va rejoindre. On s'en fout, on continue. On est en overtime direct là, parce qu'on est... Overtime, tir de barrage, toute la patente. Parce que, tu sais, c'était Callahan contre Saint-Louis, capitaine contre capitaine. Non, il y a eu des choix, là. Saint-Louis s'en va rejoindre son ami Brad Richards à New York. Mais les Rangers, ils ont perdu là-dedans. Non. Ben, moi, je trouve que. C'est un meilleur joueur... score. Depuis les 4 dernières années, je pense que c'est lui qui a scoré le plus de buts. Un joueur qui. Okay. Dans la Ligue nationale. Tu viens de perdre un joueur de 28 ans, ton capitaine, contre un joueur de 38 ans. Qui fait 4 ans, qui est le meilleur scoreur de buts dans la Ligue nationale. Il a 38 ans. Il reste gros max 2 saisons. Tu le regardes jouer. Non, il joue même dans la Ligue nationale. Il encore au moins 4 ans. Il reste 2 bonnes saisons. Callahan, 28 ans, il te reste. Au moins 7 ans. Hey, Callahan, là, man. Va-tu être le meilleur marqueur dans la chaîne? Un salaire de fou, man. Est-ce que Saint-Louis va faire des meilleures saisons qu'il a déjà faites? Callahan, il veut 6 millions en montant, 7 millions en affaire de main. C'est fou, là. Hey, man. Mais les Rangers sont comme fuck off. Non, les Rangers l'ont pas gardé parce que justement, ils paieront pas ce montant-là. Puis, man, t'emmènes un assist de scoreur, le meilleur scoreur de la game. Oui, je pense qu'en bout de ligne. Pas sûr que les Rangers. Ok, à long terme, mais tu regardes trop ça à long terme. Là, est-ce que les Rangers ont des chances de gagner la Coupe cette année? Mais c'est parce qu'il faut que tu dises que Callahan, il est agent libre sans restriction à la fin de la saison. Puis c'est pas dit qu'il va re-signer avec le Lightning. Il va re-signer avec une équipe qui va vouloir signer à un asti de prix. Fait que c'est un échange d'un gars qui reste encore une Coupe de bonne saison. Puis je sais pas son contrat à Saint-Louis finit quand, mais il reste pas tant d'années que ça, je pense. Deux, je pense, justement. Mais. Chris, il reste qu'il va te jouer encore probablement deux bonnes années faciles contre un gars que tu sais même pas qu'est-ce qui va arriver avec. C'est pour ça qu'il y a eu des choix où. Martin Saint-Louis vaut bien plus que Callahan. Ben oui. Oui, ben... oui, il vaut plus là. Ben oui. Mais il a 38 ans, c'est ça. Ouais, je te dis. L'autre, il peut planter et tout. Lui, le dans site son est pas chaud, man. Mais il paraît que c'est un site chialeux, Saint-Louis. Hein, depuis 2009, ça m'a dit ça fait trader. Ah ouais. Ouais. Il paraît que c'est un gars dur avec la direction, que c'est un chialeux, puis que c'est pour ça que souvent il n'a pas été pris dans Team Canada. J'ai vu quelque chose aussi entre la 2 et la 3 là, pendant qu'on était en entraque. C'est gros jus, man. Sur 25 Stanley, ça a l'air que les fans. 2014-2015, Saint-Louis, excuse. Les fans des Blues. Des Blues. Les fans du Lightning ont commencé à mettre le chandail de Saint-Louis, puis ont remplacé le nom dans le dos par Trader. Ouais, ça, c'est dépend, man. Gang de douchebags, là. Comme, voyons, hostie. Ben, il pourrait demander vraiment de s'en aller. Puis... Ben, mais... Il y a quelque chose qui marchait plus. Il est parti, il y avait une raison. Ah, il est parti pour le fond. Mais Steve Yzerman et le propriétaire, ils sont en crise, là, qui a été obligé de le trader. Il l'aurait pas tradé. Puis non, juste le propriétaire a essayé de convaincre Saint-Louis de rester. Il a tout fait pour le garder. Ben, il paraît vraiment, il a douche. Tu sais, que vraiment, ça fait longtemps qu'il monte en haut. Puis dans le vestiaire, il paraît qu'il est dur. C'est un chialeux. Chiale ses coachs, chiale tout le monde, puis il paraît qu'il n'y a vraiment pas de bonne attitude, ce gars-là. Patrick Roy vient de gagner Connie Smith. Ouais, on s'en rappelle. Connie Smith ou Connie Smythe? Connie Smythe. C'est la soirée des corrections. C'est ce correct, soir. C'est le Conn Smythe, c'est pas le Connie ou whatever, c'est le Conn Smythe. C'est pas grave. C'est le R.T. Ross. C'est le Conn Smythe. R.T. Rossi Trophy. Hey, Batman était jeune. Hein. Yeah, il était jeune et qui gagne le Lady Bing en 93? C'est ça qu'on veut savoir. Lady Bing? Lady Bing doit être Joe Sakic. C'est Brian Bellows. Quoi, il jouait? Benoît Brunet, Stéphane Lebeau. Brian Bellows qui avait 63 de vitesse dans NHL 94. Là. Je tiens à le dire. En passant, il y a Mard sur le chat room qui nous dit que Miller a une expérience olympique. Miller a des bonnes stats. Pour les US. Puis Miller, il dit qu'il a des bonnes stats devant, avec une défensive qui soque devant lui. Puis c'est vrai. Ouais, non, c'est un assez bon goaler. Mais il a jamais, il never played under il y a the encore pressure. Du gros, il y a encore du gros hockey en avant de lui. Ben, y a-tu vraiment écrit ça? Oui. Tabarnak. Ah, mais ça, tu vois que c'est un commentaire à la mort. Il y a du gros hockey en avant de lui. Là. Il y a du gros hockey en avant de lui, ouais. non, mais gars, oui, Miller, hockey. Miller, Saint Joker. Mais il a jamais joué under pressure. Il a joué pour l'équipe des États-Unis, puis, tu sais, on gagne une médaille d'argent, là. C'est d'autres gros trades, Dave? Qui je vais aller te chercher les gros trades. Mesaroche. Leshensky, Delaurier, Braden. T'es pas obligé de tout les dire. Ok, Marianne Gaborik qui s'est fait échanger contre Matt Fratton puis des choix. Marianne Gaborik. Ok. Mon Alex. Marcel Gauche. C'est un excellent trade. Marcel Gauche. C'est un bon trade. C'est un bon trade. Excellent trade pour les. Ça va pas les faire des contenders pour la Coupe Stanley. Tim Thomas avec son asti de casse de hockey de marde. Oui. Qui s'en va. Son école de goaler. Avec contre Dan Ellis puis détail à venir. Oh. Détail à venir. Ça, ils n'ont pas updaté le site. Il a été tradé avec la Beuglette aussi. Rafael Diaz qui s'est fait encore échanger s'en va à New York. Non, avec Marty Saint-Louis. Ah ben. Ça va rejoindre Saint-Louis. Okay. Fait que, en gros, c'est pas mal les gros trades. Est-ce que Ryan Kessler a bougé? Non, Patrick Eves s'est fait échanger contre David Ryan Lamont. Kessler, c'était comme la grosse rumeur dans le temps des échanges qu'il voulait bouger, Son agent disait qu'il allait bouger. Puis c'est lui. Ben, il a pas bougé. Pas mal toutes les. Même enfin que c'est passé avec Luan Gould. Il n'y a pas eu de gros gros. Ben, le gros trade, c'est Montréal. Annexe, c'est, ouais, on a eu le. C'est Montréal, Saint-Louis, puis Gaborik. That's it. Ouais. Ça, c'est les gros trades. Puis le Wango avant, mais ça, on l'avait tout ça avant. Ben, écoute, ça. Fait que l'année de la Coupe Stanley, les boys, cette année-là, 93, c'est Pierre Turgeon qui a gagné le Lady Bing. Nice. Fait que ça fait le tour de notre segment sur les échanges de cette année. Ned, c'est quoi échanger en anglais? Trade me right fucking now. Trade me right fucking now. Okay, raccroche. Raccroche. Bon, fait que j'ai deux trois petites nouvelles around the NHL qu'on peut parler avant de finir le podcast de ce soir, les gars. Christopher Letang qui a fait un AVC à 26 ans. Ouais. On a déjà parlé de ça. Ça se peut que sa carrière soit finie. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. C'est parce que quand il était ado, il prenait des trucs. Non, c'est parce qu'il y a un trou. Il y a un trou au cœur. Il y a un souffle au cœur. Fait que. Pourquoi ça arrive souvent à des joueurs de hockey, ça? Il y en a plein. Non, mais c'est un défaut de malformation de naissance. De naissance. Quelque chose arraché sur les AVC. Ben, pour vrai, bonne chance, puis c'est plate. Pour vrai, bonne chance. Je souhaite que tu joues au hockey, t'es un bon joueur. Ouais. Pat Lafontaine qui a quitté les Sabres de Buffalo. Il était directeur des opérations. Combien pendant 8 mois, là? Même pas. Il était depuis novembre, il était directeur des opérations. Vraiment, là, ça veut dire qu'il est où c'est que l'équipe va. Ouais. Il est même pas capable de rien faire. Le propriétaire l'empêche de tout faire. Fait qu'il a dit fuck you, man, puis il est parti. Ça, c'est sûr, ça veut dire ça. Il dit, oh, je suis juste là pour la période de transaction. J'étais là pour vendre tous les joueurs, toutes les données, puis après ça. C'est le fun parce que dans le background, on voit les. Ouais. C'est les droits de l'équipe. Les droits, on va se à Stockholm qui peuvent me donner une grosse pénalité. Sanctions civiles et pénales. Il y a Jagr qui est devenu le 7e joueur à marquer 700 buts en saison régulière. Pouvez-vous me nommer les 6 autres? 700, hein? 700 buts. Gretzky, Wayne for sure. Gretzky. Combien, Gretzky? Qu'est-ce que c'est le premier? Premier aussi, c'est le premier. Ouais, c'est ça. 894 buts en saison régulière, Gretzky. 700, ben, pensez pas à des vieux joueurs. C'est ouais, ça, c'est des nouveaux. Ouais. Non, mais c'est des vieux joueurs aussi. Ouais. Mario Lemieux? Même pas. Non, il est pas joué assez longtemps. Je pense pas. Bon, regarde, je vais vous les donner. Yari Khoury. Non plus. Damn. En sixième position. Jarome Yaga. Ben oui, numéro 7. Oh, that was an easy one. On a le numéro 7 et le numéro 1. Attends une minute, là. Faut que tu le laisses passer un peu, man. Marc Messier. Non plus. Calme. Mike Bossy. Non plus. Non. Si, ouais. Combien de buts, 700? 700, ouais. 700 et plus. Donc 700, c'est Jagger en 7ème. Mais Livo, y a-tu compté 700 buts? Sûrement pas. Non. Je sais pas. Fait qu'en numéro 1, c'est numéro 1, ou Gretzky numéro 2, c'est qui? Gretzky numéro 1. Je vais y aller en 6ème place, mettons, avec 708 buts. Mike Gartner. Really? Ouais. Ok. Numéro 5. Attends! Rob Brind'Amour. Non! Damn! En numéro 5, avec 717 buts, Phil Esposito. Oh. Numéro 4, 731 buts. Gordiao. Marcel Dion. Ouais, Gordiao, j'y ai pensé. Guy Lafleur, man! Non, non, pas Guy Lafleur, mais Gordiao est deuxième. Avec 801 buts. Et le numéro 3, Brett Hall, avec 741 buts. Brett Hall. Fait que c'est les 7 joueurs qui ont marqué en haut de 700 buts en saison régulière. C'est vrai, Breton a compté plus de buts que Mario Lemieux, mais il a joué plus longtemps. Bon. C'est ouais, ça, Mario, oui. Mario pis son Mario, dos, Mario, Mario, Mario, Mario. Mon dos, Mario, Mario, Mario. Mon beau Mario. Il y a, ben, on parlait de Gretzky justement. Il y a Nathan MacKinnon de l'Avalanche qui a battu le record de Gretzky pour le plus grand nombre. 13 matchs de suite. Plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un point pour un joueur de 18 ans. Ouais. 13 parties. Fait que, il a clenché. Chris, c'est sérieux, MacKinnon, là. T'es cœurant, là. Ouais, il avait pas raison quand il l'a dit puis l'a annoncé à tout le monde. Le monde chialait, ben, il a pas dit ça. MacKinnon, il est fou, là, sérieux. Là. Il a déjà 40 quelques points, même première saison, même dans la Ligue nationale. Il roule, le jeune, là. Ouais. Fat job, là. It's a fact. It's a fact. Puis dernier petit point. Check your fact. Check bitch. Your fact. Dernier petit point concernant les Red Wings de Détroit. Contacte Détroit puis donne-lui de la bullshit. Pas juste ça là, mais les Red Wings ont retiré le chandail de Niklas Lidström aujourd'hui. Numéro 5. Bon choix. Au Joe Louis Arena. Ça, c'est Joe un des joueurs bon préférés. Un des meilleurs joueurs que les Red Wings lui, ont. Lui là, eu tu le prenais tout le temps à ton pool parce qu'il était à un point par match. Solide tout le temps. Man. Ça c'est un gars là qui donne un point par match à ton pool. Puis il joue plus. Mais c'est ben non, et tout des, ça c'était mon second team après le Canadien dans le temps dans le temps que les Red Wings étaient vraiment performants là. Qui se battaient tout le temps contre l'Avalanche, that was my second team dans le temps de la connexion russe l'Avalanche encore le maudit filière russe. On a gagné deux coupes, man. Moutou contre toi. Sur ça fait le tour de mes sujets, les gars. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine la partie. Ben, la game est finie, puis on a gagné la coupe, on est sur le menu. C'est fun, ben, oui, ouais, on c'est est dans ça. Le menu du DVD. Il y a vraiment une tournée intense, mais... Vous voulez pas l'entendre? Non. Je peux vous la chanter. Ça ressemble un peu à... C'est pris de là. Merci les gars d'avoir été là encore ce soir. Merci Alexandre d'être venu remplacer Martin comme ça à pied levé. Il y a pas de quoi. La prochaine fois, on pourra voir Vanek, ce qu'il a fait, puis quel trio qui joue, puis Mchitarien, est-ce qu'on crisse des hors? Pied moins combien? Là, on crisse des hors, fuck off. Ouais, firevanek.com. C'est ça, man. Prochain coup, c'était disponible. On aura 5 micros, puis on fera un podcast à 5, là. On s'entendra pas, ça va être le fun. Sur ce, suivez-nous sur les médias sociaux @ soirée du podcast sur Twitter et puis la soirée du podcast sur Facebook. Oui. C'était l'épisode 10 de la soirée du podcast saison 2013-2014. À la prochaine tout le monde. 5 étoiles sur iTunes. Yes.